Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 38. Les rappels traditionnels de notre émission, vous pouvez nous contacter sur notre adresse email, bien évidemment, Démocratie Participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com, je répète, Démocratie Participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com, adresse email qui sert très essentiellement pour ceux qui veulent nous poser des questions, ou nous transmettre des informations, que ce soit des coupures de presse et autres, n'hésitez pas, hein, ça nous est très utile, donc contactez-nous à l'adresse email que je viens de vous donner. Vous pouvez aussi, et nous le souhaitons particulièrement, vous solliciter pour que vous encouragiez financièrement Démocratie Participative, donc par des dons exclusivement en crypto-monnaie. Et une seule crypto-monnaie aujourd'hui qui est Monero, une monnaie qui garantit totalement l'anonymat des donateurs. Familiarisez-vous d'une manière générale avec l'usage des crypto-monnaies. Tout est expliqué sur le site, à droite, sur democratieparticipative.tw. Donc voilà, si vous aimez ce qu'on fait, si vous voulez que ça continue, n'hésitez pas, soutenez-nous. Cette semaine, nous avons reçu au moins 2 dons. Mais il y en a d'autres, hein, parce qu'il y a des donateurs, comme je le dis, anonymes, donc qui ne se manifestent pas par écrit. Premier don, c'est FL, qui nous envoie un don de 1,088, c'est précis, Monero, on le remercie beaucoup de son soutien. Deuxième don, 1,3 Monero, et c'est Ezra Ford qui nous fait ce don, et par ailleurs, il nous écrit un courrier des lecteurs. Donc voilà, donc on remercie tous nos donateurs. Hein. Alors, je procède à la présentation des membres de cette semaine qui participent. Je vais commencer avec Titus, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Il fait partie maintenant de l'équipe à part entière. Salut Titus. Salut Gandalf, salut à toute l'équipe. Participation appréciée, hein, j'ai des retours en ce sens qui sont assez unanimes. Hein. Ta présence est appréciée. Retour de Pierrot, qui est avec nous aussi. Salut Pierrot. Salut Gandalf, salut tout le monde, et ravi de vous retrouver. Pareillement. Fulbert nous fait le grand plaisir d'être là. Salut Fulbert. Bonjour Gandalf, bonjour à tous. Et enfin, Sa Majesté, le Cardinal, Son Excellence, Derek, hein, le plus méridional des Bavarois, qui donc préside les travaux de l'église de Négrolatrie, hein, qui est une église en pleine expansion en France, comme vous le savez, hein, très nombreux fidèles, et par ailleurs titulaire de la chaire de négrologie Paris 8. Salut Derek. Oui, salut Gandalf, salut à tout le monde, salut les auditeurs. Effectivement, la négrolatrie, la négrologie... on a aussi le souverainisme négrologue. Ah. Oui, ben là, en l'occurrence. Oui, bon, il faut le dire pour nos auditeurs, tu es passablement énervé cette semaine. Hein. Bon, je préfère. Oui, je suis particulièrement remonté, puisque les Terres Nègres, bien entendu, a perdu un de ses plus serviteurs, plus zélés monarques. Oui. En la personne de droit divin. Oui, droit républicain, c'est pareil. Oui, bah de droit divin, enfin, c'est l'Éternel qui confère le pouvoir, l'onction, ceux qui ne l'auraient pas compris, nous parlons bien évidemment Jacques Chirac. de Jacques Chirac. Ben Chirac. Ben Chirac. On va reparler dans la deuxième partie de l'émission. Nous aurons beaucoup à dire sur cet envoyé de l'Éternel qui est parti rejoindre précisément l'Éternel. Alors, messieurs, commençons sans transition aucune. Avec la première rubrique, courrier des lecteurs, une rubrique qui s'est bien installée, je suis content d'avoir comment dirais-je, des auditeurs qui nous font partager les joies, hein, de cette vie dans la France multiculturelle de 2019, bientôt 2020, car 2020 approche à grands pas. Chers camarades de démocratie participative, je tenais à vous faire parvenir ce courrier afin de vous remercier pour votre combat et votre travail. Ce courrier n'a rien de particulier. Ce n'est pas un témoignage spécifique, juste un message de soutien. Alors, je suis membre actif de démocratie participative depuis un peu plus d'un an, mais vos idées sont les miennes depuis bien plus longtemps, ayant toujours été sceptique face aux valeurs républicaines, et ce depuis ma plus jeune enfance, étant donné que ces valeurs furent toujours à l'opposé total de ce que mon père m'apprenait à la maison. J'ai en effet été élevé dans la conscience raciale et dans les valeurs morales de l'ordre, du respect, du travail et de l'appartenance à la nation et à la famille. Je suis français d'origine croate, vivant en Croatie depuis 15 ans. Je remercie le ciel chaque journée de cette décision, m'étant impossible d'imaginer de devoir élever mes enfants dans le cirque multiracial français. Mon père ayant fui le régime communiste yougoslave dans les années 70, il paraît logique d'avoir été élevé dans les mœurs opposées à ceux des bandits communistes espagnols ayant émigré en France à cette époque. D'ailleurs, contrairement à Franco, Tito et sa police secrète, la UDBA, ont bien suivi et fait exécuter des dizaines d'émigrés politiques croates à travers le monde, dont notamment deux à Paris, Bruno Buzik, ou Buzic, et Mate Kolic, beaucoup plus en Allemagne, précise-t-il. À l'époque des faits, les médias français ne parlaient que de simples règlements de compte entre « Yougoslaves », entre guillemets. Je vous écris pour vous demander si dans l'équipe il y avait une personne d'origine croate, car cela fait deux fois que la pause musicale correspond à une chanson française, une chanson croate, pardonnez-moi. La première fois, une chanson Oustachi, pendant la période de la Coupe du Monde 2018, et puis lors de votre dernière émission, la chanson du chanteur néo-nazi Dixit, hein, et clérofasciste. Donc ça, c'est les attributs préférés de la presse rouge croate, à l'endroit donc de ce fameux chanteur qui est Marko Perković Thompson, et la chanson en question, c'était Dolazak Vrata. Voilà, je sais pas si je prononce bien. On me pardonnera, je ne suis pas familier du croate. Vous êtes loin de vous imaginer à quel point cela m'a fait plaisir d'entendre ces chansons qui ont bercé mon enfance pendant cette émission francophone. C'est tellement rare et inespéré que je n'ai pas pu m'empêcher de vous écrire ce courrier. Je vous remercie donc de joindre votre noble cause à la nôtre en passant ces petits clins d'œil sympathiques et originaux aux oreilles des démocrates participatifs. Alors il continue, notre auditeur. Alors, je peux répondre juste brièvement, effectivement. Non, il n'y a pas de croate dans l'émission. Simplement, ayant une culture... Il y a des sympathies. À titre personnel, j'aime beaucoup le peuple croate et je l'admire pour sa résistance héroïque face, au yougo communiste de Milosevic lors de la Première Guerre. Je fais donc une distinction très nette avec la question du Kosovo, qui est un autre volet tout à fait particulier, qui a eu lieu en 99, donc je parle bien de l'affrontement entre les Croates et l'armée de l'État communiste yougoslave entre 1990 à peu près et 1995. Voilà. Donc oui, évidemment, moi j'ai une très grande apathie, une très grande admiration pour le peuple croate et sa lutte depuis tant d'années pour sa liberté. Donc voilà, c'est pour ça qu'effectivement, de temps en temps, on diffuse, comment dirais-je, des émissions, des chansons qui peuvent effectivement être des clins d'œil. C'est un peuple assez particulier qui est catholique et qui n'a pas hésité à être clairement national-socialiste, hein, disons-le. Oui, Ante Pavelić. Alors il faut savoir une chose, parce qu'il va en parler, bon, il va nous raconter un peu l'histoire du peuple croate, mais vous avez un peuple martyr du communisme. Les gens en France ne connaissent pas l'histoire des peuples européens qui sont tombés sous le joug communiste. Malheureusement, beaucoup de nos amis français qui nous écoutent ne connaissent pas ce par quoi ils sont passés, et c'est bien dommage, parce qu'ils pourraient en retirer une expérience très utile, parce qu'il faut toujours connaître son ennemi. Et malheureusement, pour ceux qui pensaient que la peste marxiste avait disparu, je suis au regret de leur dire que non. Donc c'est toujours utile de connaître l'histoire des peuples qui ont résisté face à la bête rouge. Et je dois dire que les Croates ont persisté, mais ça a été avec au prix d'un impôt extrêmement sanglant. Voilà, il faut le savoir. Faut le savoir. Alors, je reprends le courrier de notre auditeur. Concernant le peuple croate et ce pays magnifique avec une histoire hors du commun, il y a tellement à dire, ou plus particulièrement, tellement à rétablir après 45 ans de régime communiste qui a suivi une purge intellectuelle, spirituelle et économique abominable, réalisée par le régime de Tito à partir de 1944 contre les Croates et les Allemands, le tout suivi par les mensonges insupportables répétés par la diplomatie serbo-yougoslave de Belgrade, ayant tout fait pour blâmer ce peuple de tous les problèmes liés à la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, il fait la référence donc à l'État croate, les massacres perpétrés ou allégués qui auraient été perpétrés par les Oustachis, le fameux camp de la mort de Jasenovac, où on prétend qu'il y a eu jusqu'à 700 000 Serbes assassinés, mais en fait, il y a aussi des Juifs qui sont associés, etc. Voilà. Imaginez, hein, bon, les Juifs, les communistes qui s'en mêlent, vous avez une inflation de chiffres, hein. Déportation des Juifs, etc. Comme vous pouvez vous l'imaginer, rien de tout cela n'est vrai. Ils ont imputé à la Croatie tout ce que les Alliés ont imputé à l'Allemagne nationale-socialiste après 1945, à proportions variées, bien entendu. Même si aujourd'hui, chaque fosse commune fouillée en Croatie, Slovénie ou Herzégovine et datant de cette époque contient des squelettes de soldats allemands ou croates, de civils, de femmes et d'enfants essentiellement, jamais aucune victime serbe, juive ou partisane. Alors quand il dit partisane, ce sont les bandes terroristes rouges essentiellement, pas uniquement d'ailleurs, qui opéraient en Yougoslavie à ce moment entre on va dire 41 et 45. Et croyez-moi sur parole si je vous dis qu'il n'existe pas un village, une grotte ou une forêt en Croatie sans fosse commune datant de cette époque. Voilà, ce sujet est bien trop long et important pour pouvoir en parler sur un simple courrier, mais il est important de rappeler que le prix que les Allemands ont payé en 1945 est pratiquement égal à celui payé par les Croates, à proportion égale. Je voudrais donc joindre notre cause à la vôtre, rétablir la vérité, virer cette peste communiste, rester au pouvoir ici et nous libérer du choléra bruxello-sioniste vendant notre pays, notre peuple et notre liberté à petit feu aux vampires néolibéraux de la haute finance juive internationale. J'essaie de vous faire un don dès que je saisis le principe de Monero. Vous méritez bien plus que de simples dons, notre cause étant juste, noble et indispensable à notre survie. Zadom Spremni. Bon, on me pardonnera la prononciation. Alors, je commence juste sur ce courrier. Alors, il est possible que certains... Parce qu'il y a des tensions permanentes et persistantes entre les Serbes et les Croates. Tensions que je déplore, mais qui sont très réelles. Et y compris entre les Français d'origine serbe et les Français d'origine croate. Alors ça donne toujours... Les Balkans sont un monde à part. Hein, ah oui, voilà, et parcouru de tensions séculaires, et qu'on retrouve même dans les diasporas, évidemment, y compris en France. Donc, bon, mais sur ce point très précis du communisme en Yougoslavie, et de la Yougoslavie communiste, c'est quelque chose qui est trop peu connu. Et quand il dit qu'il y a des fosses communes pratiquement partout, en Croatie, c'est absolument exact. Il y a ce qu'on appelle en anglais les killing fields, c'est-à-dire les champs d'exécution, où ont été sauvagement assassinés tous les soi-disant opposants au régime communiste. Vous les retrouvez dans toute la Croatie, et c'est ce qui a existé, alors à une échelle beaucoup plus industrielle, au Cambodge, hein, Cambodge sous les Khmers rouges, mais qu'on a retrouvé ailleurs, et qu'on a même retrouvé en France, alors à une échelle bien moindre. Mais en France, vous avez eu ça aussi. En 1944, le Parti communiste... L'épuration, Oui, mais à nuancer dans cette épuration, parce que vous avez eu des règlements de compte, ça c'est une chose, mais vous avez eu la politique de terreur rouge opérée par le Parti communiste, qui avait déjà, en 1944, l'idée de prendre le pouvoir par la force, et qui a procédé à l'élimination de cibles qu'il considérait comme étant des cibles politiques évidentes dans le cadre d'une guerre civile à venir. Donc c'est une action qu'ils ont voulu comme étant une terreur préventive. Oui. Donc ils se sont mis à exécuter des gens. Ils ont exécuté des prêtres en 44, des prêtres innocents, des gens qui n'avaient rien fait. Ils ont tué des notables, ils ont tué des aristocrates, c'est-à-dire des gens qui avaient le malheur de posséder un manoir. Ça, c'était l'exécution préventive d'ennemis de classe. Ça, les communistes l'ont fait en France, mais pas dans les proportions qu'on a connues dans ces zones-là, où là, ça, notamment en Croatie, où ça a été la terreur rouge la plus absolue. Je citerai quand même, après je te donne la parole d'Éric, je sais quand même le massacre de Bleiburg, où là on parle de dizaines et de dizaines et de dizaines de milliers de civils qui ont été exécutés. Là c'est les femmes, les enfants, les vieillards, etc. Et au total, je crois que dans cette phase-là, parce que, et ça c'est une saloperie des Alliés, et notamment des Britanniques, parce que le secteur était occupé par les Britanniques. L'Autriche et la Slovénie qui étaient touchées, qui étaient occupées à ce moment-là par les Alliés, étaient occupées par les Britanniques, notamment la 8e armée. Le 14 mai, tous ces civils qui fuient la terreur rouge et l'avance en fait des pions de Staline dans les Balkans arrivent dans le secteur allié en Autriche et ils demandent la protection des alliés. Et ce que vont faire les alliés et les britanniques va être une immonde saloperie. Ils vont livrer en toute connaissance de cause des centaines de milliers de civils aux terroristes du bolchevisme qui s'installe à Belgrade. Et immédiatement, on les exécute. On les exécute à quelques kilomètres des troupes alliées. Les alliés savent. Hein. Et ils l'ont fait sciemment. Donc ça, il faut le dire. Et c'est ces gens-là qu'on va retrouver dans les fosses communes qui sont aujourd'hui fouillées, très bien répertoriées. Etc. On en trouve encore, il faut le savoir. Je crois pas qu'il y a pratiquement un mois qui passe en Croatie ou en Slovénie sans qu'on trouve une fosse commune. Faut mesurer ça. On n'en parle jamais. Et il le dit dans le courrier. Parce que là, j'en termine. La propagande, il y a une propagande qui s'amplifie là-dessus, si vous vous intéressez un peu, notamment au niveau de l'AFP. Toutes ces grandes agences de presse internationales, qui sont évidemment sous l'influence que vous savez, font courir la petite musique que la Croatie serait une espèce d'État quasiment néo-fasciste, où sévirait les descendants des Oustachis qui auraient repris le pouvoir. Alors, c'est faux. Ouais, mais les Oustachis sont morts. Ouais. Comment dire, c'est faux, parce que ce qui s'est passé en 95 avec l'indépendance, c'est que les anciens communistes croates, donc du système communiste, ont été recyclés très essentiellement par Tudjman. Et beaucoup des assassins de la police secrète ont été recyclés. Ce qui a jeté un froid dans la population, parce qu'ils ont vu leur bourreau être récupéré par le nouvel appareil d'État croate indépendant. Donc ça les a beaucoup refroidis. Et vous avez toujours une certaine presse qui continue à dérouler ses mensonges contre les nationalistes croates en Croatie. Donc vous avez ensuite l'État d'Israël, la Juiverie internationale, la presse rouge qui essaye d'écrire une Croatie qui n'existe pas en réalité. L'État profond croate reste entre les mains des bourreaux ou des enfants de bourreaux. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Je pense que nos alliés israéliens, nos meilleurs alliés, pensent que quand même l'épuration qui a eu lieu en Croatie n'est pas allée assez loin. Oui. Donc il y a toujours un risque que la bête ressurgisse. Donc il est normal d'avoir des précautions envers ces gens-là. C'est comme ça que le rabbinat fonctionne. Hein. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est un jeu cynique, parce que les communistes et les juifs se s'entendent depuis 1945 pour raconter tous les pires bobards possibles liés à la guerre. Et alors, vous avez eu un Nuremberg pour les national-socialistes, vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu de Nuremberg du communisme, ça n'existe pas. Aucun des États anciennement communistes n'a procédé à une épuration systématique de son appareil d'État. Pas plus en Roumanie qu'en Pologne. En Pologne, ils ont essayé un petit peu, mais pas en profondeur. D'ailleurs, quand Kaczynski, hein, le président conservateur, a esquissé l'idée de décommuniser en profondeur, on a entendu toute la presse occidentale hurler. C'est pas étonnant. Et c'est pareil, évidemment, pour la Tchéquie, pour la Slovaquie, même la Hongrie. Hein. Il faut savoir que beaucoup de communistes hongrois ont été recyclés. Faut le savoir. Donc voilà, ces gens sont là, ils n'ont rien changé de leur idéologie, ils n'ont rien changé, ils n'ont pas varié, ils se protègent, Et du coup, toutes les victimes de la terreur communiste qui a prévalu dans la moitié de l'Europe pendant un demi-siècle n'a pas été jugée. Donc vous avez des centaines de milliers de gens qui ont été exécutés, qui ont été chassés de leur pays, etc. Ils n'ont jamais pu demander de compte. Jamais. Voilà. Donc on comprend le malaise qui persiste dans ces pays-là. Quelqu'un d'autre veut-il commenter le courrier de notre auditeur ? Moi, je veux bien. Oui, vas-y, Titus. Oui, alors moi, je voulais dire qu'il y a ici deux questions qui sont mêlées, qui sont devenues historiquement mêlées, mais qui ne sont pas exactement la même chose. Déjà, il y a la question du communisme, qui est le fait que tous ces pays de l'Est ont été derrière le rideau de fer et ont vécu des décennies d'occupation communiste. Donc ça... ça ressemble un peu à ce qu'on connaît en France, parce que eux comme nous, on a vécu l'oppression par les communistes et par les juifs. Donc là, on a une sympathie et une cause commune évidente. Mais il y a quand même une deuxième chose aussi, c'est que les nationalismes balkaniques ne sont pas exactement. Enfin oui, c'est comme tu disais, c'est un monde à part. Parce que j'ai connu un petit peu, j'ai voyagé un peu par là-bas et j'ai connu un peu les nationalismes balkaniques. Et ce ne sont pas des nationalismes blancs en réalité, parce que nous en France, on est confrontés à l'invasion par les nègres, les bougnoules, etc. Ce qui fait que c'est assez facile de passer du nationalisme civique, enfin au nationalisme, oui, les races n'existent pas, au nationalisme blanc, mais pour les Balkans, c'est moins le cas, parce que les Balkans ont moins d'immigration et ont beaucoup plus d'histoires lourdes entre eux, dès avant le communisme, de vendetta, de règlement de compte, etc. Et j'ai pu voir dans plusieurs pays des Balkans, alors je pense notamment à la Hongrie et à l'Ukraine, mais ça vaut aussi dans d'autres pays, des gens qui en fait s'en foutent quasiment de la race blanche. La seule chose qui les préoccupe, c'est de régler des comptes avec leurs voisins. Pour les certains Hongrois, c'est le traité du Trianon, enfin ils sont traumatisés que leurs voisins, les pays voisins, donc ils sont blancs aussi hein, évidemment, ont pris du territoire en 1918. Pour les Ukrainiens, enfin j'en connais qui sont obsédés par le règlement de compte avec la Russie et qui ne pensent qu'à rejouer la Seconde Guerre mondiale. Sauf que tout ça, c'est juste des conflits perpétuels entre blancs, c'est un espèce de cycle de vendetta qui n'a pas de fin. Du coup, quand on voit ça, enfin, on a quand même moins de sympathie, parce qu'on se dit, c'est des conflits qui ne nous touchent pas, enfin, et qui ne servent à rien, surtout. Non, je voulais juste évoquer ça pour distinguer un peu les deux, parce que les conflits balkaniques, ce n'est pas un truc qui est forcément aligné avec la cause des blancs, disons. Oui, alors ça c'est très intéressant ce que tu dis, c'est vraiment un point important à soulever. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler en fait le chauvinisme en fait. Hein. Bon, c'est cette tendance-là, traversée d'irrédentisme, de règlement de compte, etc. Bon, qui au plan purement psychologique se comprennent. Il suffit de revenir à la France, j'allais dire, dans les rapports franco-allemands. Je veux dire, quand on pense que je veux dire, la France et l'Allemagne se sont. Ont eu comme pomme de discorde commune l'Alsace et la Lorraine, aujourd'hui, c'est presque à pleurer, quoi. C'est-à-dire que ça a quand même été un point de focalisation de l'hostilité réciproque assez aberrante, mais nous, on le sait maintenant, parce qu'avec le recul, mais à l'époque, les gens n'avaient absolument aucun recul là-dessus, et pour eux, l'Alsace-Lorraine, c'est-à-dire c'était quasiment c'est quasiment existentiel comme confrontation, quoi. Donc, ce n'est pas propre, je veux dire, aux Balkans ou à l'Ukraine, etc., les conflits territoriaux. Et je vais même dire, on peut citer le cas de l'Irlande. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez des Irlandais catholiques qui s'affrontent avec des Nord-Irlandais protestants, en sachant que les Nord-Irlandais protestants qui sont loyalistes vis-à-vis de la couronne britannique sont pour beaucoup soit quelques Irlandais qui sont convertis au protestantisme. Surtout des Écossais. Hein. Surtout des Écossais. Et on voit ces gens qui sont là encore, là on voit certaines minorités agissantes qui veulent en découdre, hein, qui veulent en découdre. Vous avez beaucoup d'Irlandais dans l'Irlande du Nord catholique qui veulent l'unification de l'Irlande. Et dans le même temps, quand vous baladez dans les villes irlandaises, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez exactement ce que vous voyez dans toutes les villes occidentales, c'est-à-dire le remplacement de population par des peuplades du tiers-monde, organisé non pas par une puissance coloniale étrangère. Au sens strict, mais par les administrateurs, alors qu'ils peuvent répondre à des intérêts étrangers, mais par des administrateurs qui sont du cru. Hein. Je veux dire. Administrateurs du cru, il me semble que le premier ministre irlandais. Celui-là, oui. Et quand même. Varadkar. Alors, Varadkar est un profil tout à fait particulier. C'est le premier ministre irlandais. Alors, il est non seulement homosexuel, mais en plus, c'est un métis d'Indien. Bon, je suis d'accord. Ouais. Ceci étant dit, il est entouré de ministres, et puis avant lui, ses prédécesseurs ont pris des positions très fermes pour ouvrir le pays à l'immigration de remplacement. Et puis, alors, un exemple caricatural, le Sinn Féin. Le Sinn Féin, alors je pense que certains de nos auditeurs connaissent le Sinn Féin, qui est un parti historiquement dit nationaliste, rien nationaliste, c'est un parti socialiste révolutionnaire, qui a totalement effacé la dimension nationaliste de son combat. C'est aujourd'hui, si vous voulez, le Sinn Féin, d'abord c'est que des Irlandaises en surpoids, vous voyez, je sais pas si vous, si, je vous invite à regarder, vous verrez vous-même, dont le combat par exemple c'est le droit des fiottes. Ça n'a rien à envier, à la République en marche, au Parti socialiste. On voit qu'il y a une dégénérescence globale, mais ça n'empêche pas ces factions de vouloir égorger leurs voisins blancs parce que, je sais pas, ils prient pas le Christ de la même façon, soi-disant. Je suis pas certain que tout ce moment-là soit très croyant, mais enfin, peu importe. Donc voilà, ce n'est pas propre aux Balkans, mais c'est clair que c'est une déformation, on peut même dire que c'est une dégénérescence dans ce contexte du nationalisme. C'est vraiment un nationalisme qui est mal compris. Parce que dans le même temps, et ça c'est le plus fou, ces gens-là qui vont défendre un peu leur irrédentisme vont vous tenir des discours absolument antiracistes par ailleurs. Absolument antiracistes. Ils vont vous dire « Oui, non, mais Mohamed qui arrive chez moi, etc., mais c'est un Irlandais comme les autres, attention, pas d'erreur, etc. » Donc ils veulent égorger leurs voisins blancs, au motif qu'il est protestant, ou qu'il aurait une petite affection pour la couronne d'Angleterre, mais en revanche... Mamadou qui arrive du Nigeria et qui viole de l'Irlandaise dans les rues de Dublin, tout va bien. Bon, voilà, c'est effectivement une caricature du nationalisme. C'est une caricature du nationalisme. Oui, je pense que ça dépend un petit peu de l'ordre des priorités que les gens ont dans la tête. Parce que, oui, alors effectivement, le parallèle est très juste par rapport à l'irrédentisme français d'avant. Alors là-dessus, on pourrait presque remercier, enfin, presque, hein, l'immigration de nous avoir guéri de l'irrédentisme, parce qu'on s'est quand même rendu compte qu'il y avait des priorités un peu plus fondamentales que « Oui, mais est-ce que l'Alsace et la Lorraine, c'est français, c'est pas Bosch, salopard de Bosch ?» Enfin, ceux qui sont encore sur cette ligne-là dans le monde français aujourd'hui, pas juste pour des crétins, quoi. Mais je pense qu'il y a un petit peu la question de l'ordre des priorités. Parce que quand on voit en France, on voit quand même pas mal de provinciaux, enfin de divers lieux d'ailleurs, qui vont adorer les nègres et les arabes de leur identité à eux, tant qu'ils peuvent se révolter contre le colonialisme parisien. Parce qu'au fond, ces gens sont mus par la jalousie et par la rage contre Paris. Donc, ah oui, Mohamed et Mamadou, ce sont mes amis, parce qu'on est tous contre Paris. Nous sommes tous des victimes de la colonisation par Paris. C'est... Alors, il y a ça oui. aussi, mais c'est juste que ces gens ont cet ordre des priorités là. Alors, je les invite à comprendre quand même que la colonisation par Mamadou et Rachid est organisée par Paris, donc ils sont plutôt des alliés objectifs quand même. Mais c'est très juste hein, ce que tu dis. Alors oui, alors d'autant plus que donc, deux guerres mondiales. Alors bon, pas uniquement pour l'Alsace-Lorraine, mais enfin ça a quand même été un des points de focal. C'est d'autant plus désastreux que une fois finalement reconquise victorieusement par la France. L'Alsace-Lorraine a été livrée gratuitement, hein, clé en main, aux Bougnoules et aux Turcs. Quiconque ne me croit pas n'a qu'à se balader dans les rues de Strasbourg. Hein. Si vous avez encore des doutes, c'est absolument effrayant, quoi. Donc voilà, les Français et les Allemands sont rentrés gorgés dans les tranchées de Verdun pour livrer donc l'Alsace-Lorraine aux premiers nègres venus. Bon, voilà. Ça doit faire méditer quand même. Hein, sur. Oui, mais on parle pas allemand. Donc voilà. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, ça nuance. Alors par contre, juste un truc sur la Croatie, par rapport au massacre de Bleiburg, hein, donc, qui est la commune en fait où tous ces civils qui fuyaient l'avancée des troupes rouges s'est retrouvé en Allemagne, hein. Pas en Allemagne, en Autriche, mais enfin bon, oui, l'ancien Reich. Donc il y a des commémorations annuelles. Et alors cette année, boycott du clergé autrichien au plus haut niveau. Parce qu'il y a toujours une messe. Vous savez, les Croates sont très catholiques. Ils sont parfois, j'ai même l'impression, plus catholiques que le pape, en fait. Et donc, ils organisent une grande messe, quoi, hein, je veux dire, pour le repos des victimes. Et boycott organisé, sur demande de qui? De la gauche communiste, en Autriche. Et de la juiverie internationale, parce que la juiverie internationale regarde la Croatie comme le lait sur le feu. Hein. Donc, hop, le rabbin n'est pas content. le commissaire politique du Parti communiste n'est pas content, hop, Bergoglio au coup de téléphone, le cardinal reste chez lui. C'est ça l'Église catholique aujourd'hui. C'est ça l'Église catholique aujourd'hui. Ce sont des gens qui militent avec les juifs et les marxistes. Donc c'est triste pour les croates qui sont très catholiques, mais enfin... C'est comme ça, mais c'est la triste réalité. Quelqu'un d'autre sur ce courrier ou sur les points qui ont été soulevés? Pas spécialement. Fulbert, ça t'inspire rien? Ça m'étonne, tiens. Ça m'étonne. Oh, je ne suis pas trop calé pour cet aspect de l'histoire. Non, mais il peut y avoir une analogie peut-être avec la Belgique, parce que vous avez aussi des irrédentistes flamands qui étaient pro-allemands. C'est possible, quoi. Je veux dire, est-ce que, par exemple, quel a été le niveau de répression du nationalisme flamand en Belgique tout de suite en 44-45? Est-ce que t'as une idée de ça ou pas spécialement, parce qu'ils ont une histoire aussi un peu particulière, les Flamands? Ben écoute, oui. Bon, d'abord, il y a des choses qui sont peut-être un peu surprenantes, mais on met toujours un petit peu le saut fasciste sur les Flamands. Il faut savoir, par exemple, qu'en Belgique, il y a eu beaucoup plus de Waffen-SS wallons que flamands. Ça pourrait vous surprendre. Ça, c'est je croyais que c'est... Enfin, j'avais pas d'idée d'ordre de grandeur, mais je pensais que... j'avais cru comprendre que les Flamands, c'était quand même très engagé dans la Waffen-SS. Et en fait, il y a eu quelque chose un peu particulier. C'est-à-dire que les Flamands ont été engagés dès le début... Le recrutement chez les Flamands s'est fait dès le début, enfin très tôt, et on a formé une division, la Landgemark, qui était, si je ne m'abuse, la 27e division des volontaires de la FNSS, et ces soldats flamands et les cadres étaient commandés par un officier allemand. Il y avait un commandeur allemand. Par contre, La division SS Wallonie, la 28e, qui a été recrutée, enfin, qui est passée à la Waffen-SS en 43, en mars, je crois, si je me souviens bien, enfin, de ce que j'ai lu, hein. Et ils ont eu directement un officier wallon qui les commandait, et ce jusqu'à la fin. Ce qui fait que c'était plus, je dirais, ça a dû avoir une certaine influence dans le recrutement, je pense, en tout cas. Les chiffres les plus, je dirais, optimistes donnent environ 18 000 volontaires wallons pour 10 000 flamands. Ah oui, en effet, tout à fait. L'officier wallon en question était Léon de Grelle, n'est-ce pas, Fulbert? Non, par la suite, oui, mais au départ, non. C'était un major de l'armée belge. Je pense qu'il était le premier, qui s'appelait Lucien Lippert. Oui, Lippert, tout à fait. Et ce que tu veux dire, en fait, tu parles vraiment du poste de la fonction de commandeur, hein, de la division. Hein. Absolument, oui. Voilà, c'est ça. Et De Grelle est devenu, je pense, en 1944, commandeur. Je ne saurais pas dire la date. Je crois que c'est... Il y a un certain temps. Et parce qu'il faut préciser, des gens ne le savent pas, je vous invite à vous renseigner sur la vie de Léon De Grelle. Personnage extraordinaire ou en couleur, bah bon, un poète aussi. C'est quelqu'un qui s'est engagé comme simple volontaire. D'abord dans l'unité qui était associée à la Wehrmacht, parce que les Wallons, comme tu l'as bien précisé, ont commencé comme volontaires dans une unité sous commandement de la Wehrmacht, donc dans une armée régulière, dans l'armée régulière allemande. Il s'agissait de la Légion, donc c'était comme tu dis la Wehrmacht. Hein. Ouais. Moi, je n'ai invoqué que la SS. Alors du coup, ça m'amène sur ma question. Donc tout de suite après la guerre, bon, bah, tous ces gens ont été qualifiés évidemment de traîtres dans leur pays respectif. Comme dit l'adage, malheur aux vaincus. Alors qu'est-ce qu'il en est advenu de ce phénomène, en fait, qui a été l'épuration politique où les communistes ont joué un rôle très important en France et ailleurs en Europe et en Belgique. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que notamment les Flamands ont été particulièrement ciblés? Qu'en est-il en Wallonie? Enfin, est-ce que tu pourrais nous dire, même très rapidement, hein, finalement, ce qu'a été l'épuration en 44-45 en Belgique? Est-ce que tu as une idée de ça? Une idée très approximative, je dois bien le reconnaître, parce qu'il y a peu d'ouvrages qui parlent de cette période. J'ai lu, je pense que c'était plutôt une source française, mais je ne sais plus laquelle, qui écrivait que l'épuration a été aussi forte en Belgique, si pas plus forte qu'en France. Je ne sais pas ce qu'il en est, honnêtement. Tu vois, il y a pas mal de gens qui sont retrouvés en prison, ça c'est certain. À titre d'exemple, on a vu, pour se faire une idée, hein, on a vu les parents de Léon de Grelle, oui, qui n'étaient absolument pas engagés politiquement. Le père était un pharmacien. Non, pardon. Son frère était un pharmacien. Ouais. Sorry. Le père était politique, mais c'était un député catholique. Qui n'était pas du tout impliqué dans la collaboration. Voilà, il était député avant-guerre, mais c'était pas quelqu'un qui était actif dans la politique de collaboration ou quoi que ce soit. C'était simplement le père de Léon de Grelle, c'est tout. C'est ça, exactement. Oui, d'ailleurs, les gens de la région ont dit que, enfin, ont convenu que, puisqu'il était originaire de Bouillon, donc la commune d'où provient Godefroy de Bouillon, le grand croisé, ont convenu que le traitement qui a été fait par la vengeance contre les parents de Léon de Grelle était convaincu, parce qu'il faut savoir qu'ils sont morts en prison. On a fait mourir les parents de Grelle en prison. Des gens qui n'avaient jamais fait de mal à une mouche et qui n'avaient jamais été impliqués dans la politique de collaboration. On s'est vengé contre ses parents pour l'atteindre. Sa sœur aussi, d'ailleurs, a été en prison. On a tourmenté sa sœur. Enfin, c'est quelqu'un dont les proches ont énormément souffert, alors que on n'a jamais pu reprocher à de Grelle la moindre opération d'assassinat politique ou que sais-je en Belgique. Voilà. Donc, c'est pour donner un peu le ton, effectivement. Si tu as autre chose peut-être à dire. Oui, on lui a prêté, comment vais-je dire, un acte contre la population, mais il n'y a absolument rien de prouvé, alors que ce serait relativement facile, mais il n'y a rien de prouvé, c'est que le frère de De Grelle avait été assassiné parce qu'il était son frère, et là le pharmacien. Et il y a eu une opération pour trouver les assassins, les types ont été trouvés, et ils ont été exécutés dans un bois du voisinage de Bouillon. Et certains ont dit, voilà, De Grelle est revenu, c'est lui qui a mené les opérations, etc., etc. Mais encore une fois, c'est une soupe tout à fait fantaisiste. Quoi. Oui, c'était les marxistes qui ont inventé ça, là, il explique très bien. Ils avaient pris en vengeance, effectivement, les troupes d'occupation avaient pris des otages. Et De Grelle était intervenu directement auprès d'Hitler en disant, il faut les faire libérer. Ce qui avait été accordé. Exact, ouais. Donc De Grelle a dit non, moi je veux pas de ça. Je veux pas de vengeance aveugle, etc. Comme ça, vous libérez ces gens. Et ils ont été libérés. C'est certain, et c'est logique, parce que si tel avait été le cas, il y aurait eu des réactions de la part des résistants, du maquis ou quoi, contre les membres de la famille de De Grelle. Donc sa réaction était tout à fait logique. Oui. Mais ils s'en sont quand même pris, une fois les Allemands à 100 km de là, voilà. Les résistants, entre guillemets, s'en sont quand même, et la justice s'en sont quand même pris aux membres de la famille de Grelle. Quoi, les méthodes des Rouges, hein. C'est les méthodes des Rouges. Hein. Exactement. Oui. Ah ouais, ils sont... Les antifas, tout ça, c'est la même merde. Hein. Il faut savoir que tout ça, ça vient de la lie de la société. Ça a toujours été... C'est caricatural dans le recrutement des partisans communistes. Ils recrutent toujours dans la lie de la société. Ils recrutent pas, comment dirais-je, des gens issus de la bonne société. Ils vont toujours chercher dans le monde du crime, dans le monde des marginaux, des associés, etc. N'allez pas vous étonner que la vermine des anti... Oui, non, mais, oui, il y a quelques spécimens, mais c'est tellement pas représentatif. Quelques spécimens de la très grande bourgeoisie qu'on va retrouver à sa coquinée là-dedans. Mais très souvent, c'est la lie qu'on va retrouver dans les squats, etc., sa zone, etc., c'est ce qu'on appelle en langage commun des SDF, qui ensuite sont utilisés par le système pour faire la sale besogne, besogne d'intimidation, etc. Et le cas échéant, si jamais il y avait des troubles, ils n'hésiteraient pas à recourir à ces gens-là pour aller faire assassiner, etc. Ils l'ont fait pendant l'occupation. C'est comme ça qu'ils ont procédé. Et après, en 44-45, parce qu'il y a eu des choses très graves qui sont passées en France en 44-45, où vous avez ces bandes armées qui avaient été armées, on les avait donné des armes. Ces gens-là, ils n'étaient pas très politiques. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient ce qu'ils auraient fait s'ils avaient été en temps normal dans la société, c'est-à-dire qu'ils sont livrés à des activités criminelles. Donc ces gens-là, ils venaient, ils violaient des filles, etc. Quand une fille gueulait trop fort, hop, on l'assassinait. Etc. Et après guerre en 45, etc., quand les choses se sont un peu calmées, il y a des gens qui ont posé des questions. Ils ont dit, mais attendez, cette fille-là qui l'a assassinée, etc., ça commençait à faire trop de bruit. Quelques types se sont retrouvés dans des tribunaux très... Alors, les plus compromis, où vraiment les affaires étaient trop graves, la population était trop scandalisée, etc., alors on ne pouvait pas faire autrement. Et malgré toute sa mauvaise volonté, la justice acceptait, daignait quand même condamner, et ils étaient toujours sortis de prison par des évasions miraculeuses. Ça, c'était le Parti communiste qui rentrait en action. Le Parti communiste avait toutes les clés de toutes les tôles, on faisait sortir qui on voulait là-dedans. Voilà. Il y a quand même eu un communisme particulièrement élitiste, dans le sens où ça recrutait chez les bourgeois. C'est ce qui s'est passé sous mai 68, oui. En France, avec toute la brigandorie maoïste et compagnie. Là, du professeur d'université, du docteur, oui. En fait, des gens extrêmes, qui étaient riches comme eux, qu'ils en pouvaient plus, en crever, quoi. Et qui était là, enfin bon. Et même des gens comme Jacques Chirac. Oui. Les gens ne savent pas que Jacques Chirac a été un compagnon de route du Parti communiste. On va y revenir. Mais tout ça pour dire. Le Parti communiste, mais non, mais les maoïstes. Les maoïstes. Non, mais. Les maos, c'est vrai. Les maos, c'est mon texte. Ces bandes rouges armées. Donc là, on parle vraiment, pour faire le coup de poing, elles étaient recrutées dans les cercles de la marginalité sociale, pour une raison évidente, tout le monde n'est pas né assassin. Donc voilà, on va les chercher où on pouvait, quoi. Donc ça s'est passé comme ça, et ça s'est pas passé comme ça qu'en France, ça s'est passé notamment dans les Balkans. Alors imaginez dans le contexte balkanique, ça a été autrement plus sanglant. Mais... La France n'a pas... D'ailleurs, la France a stupéfié. Vous savez qu'Adolf Hitler a été assez stupéfait de la violence de l'épuration en France. Il a été assez stupéfait. Ça a frappé parce que la France passait pour un pays civilisé. Donc on se disait, si vous voulez, oui, bon, il y a des règlements de compte. Bon, ça reste en bon ordre. Et la violence, la sauvagerie qui a éclaté en 44. Oui, on va dire à l'été 44 en France jusqu'en automne, a vraiment stupéfait beaucoup de gens. Hein, beaucoup de gens. Et c'est pour ça qu'ils contrôlent toujours l'appareil d'État. Quand je dis ça, les gens peuvent se demander si je raconte n'importe quoi. Non, non. Prenez le syndicat du livre, qui contrôle toutes les impressions de journaux en France, c'est contrôlé par le Parti communiste, on pourrait continuer comme ça. Il y a plein d'exemples comme ça. Ils sont toujours là, depuis 45. Ça pourrait paraître surprenant qu'il y ait eu plus de combattants wallons dans l'armée allemande que de combattants flamands. Mais ça s'explique. Parce que le parti de Grelle, qui avait un certain succès, c'est le moins qu'on puisse dire, dans les années 30, est né en Wallonie. À l'époque, donc le parti Rex. C'est le parti Rex, j'allais le citer, oui. Est né en Wallonie. Qui était une région plus industrialisée à l'époque que la Flandre, un monde ouvrier beaucoup plus prolétaire, je veux dire, hein, pour employer des termes de la gauche, plus grand. Ces gens-là ont suivi, au contraire de ce qu'ils font aujourd'hui en suivant aveuglément les socialistes et la gauche, ils ont suivi De Grelle pour son programme social. Ce qui fait que lorsque la guerre est arrivée, il y avait en Belgique, malgré tout, une certaine sympathie, je dirais, pour l'Allemagne nationale socialiste. Bon, c'est ce qu'on a reproché au roi, par exemple, Léopold III. Et ça explique que beaucoup de gens, évidemment, dans la guerre, arrêtent partiellement l'économie Et s'explique, je ne vais pas dire que les chômeurs sont passés dans l'armée allemande, c'est pas ça, mais disons, le mot d'ouvrier wallon a fourni plus de combattants nationaux socialistes que le monde flamand, qui était plus paysan, attaché à la terre, plus bourgeois aussi quelque part. Tout ça s'explique. Alors oui, alors il y a aussi un point important qui... Et puis ensuite on passe à la lettre suivante, au courrier suivant. Il y a le fait que le chef du Parti Socialiste, qui était Demant, exact, a appelé à collaborer avec l'Allemagne. En fait, Henri Demant avait véritablement transformé le Parti Socialiste belge en Parti National Socialiste, sans lui donner le nom. C'est ça. Et qui était un politicien socialiste, mais nos auditeurs doivent comprendre, c'était des socialistes convaincus, c'était pas les socialistes d'aujourd'hui. Celui-là, c'était un honnête homme, on peut dire que c'était un honnête homme, qui avait le souci de la classe ouvrière, qui voulait parvenir à des avancées révolutionnaires pour la classe ouvrière, qui voyait que le régime démocratique, parlementaire, bancaire n'arrivait à rien. Ils n'avaient pas manqué non plus d'observer que l'Allemagne avait été transformée en l'espace de 6 ans par la direction nationale-socialiste et que la classe ouvrière avait acquis des choses qui n'étaient même pas pensables à l'époque en Europe. Et il va donner la main à De Grel pour parvenir à une solution politique en Belgique. Et ça va, je pense, aussi contribuer quand même à ce que tu as dit, c'est-à-dire au fait que la Wallonie, qui était qui quand même était déjà travaillée par la gauche et le Parti Socialiste, et même aussi par le Parti Communiste, a peut-être été plus impactée. Bon, ça c'est une supputation, j'en ai pas la preuve, hein, mais je pense pas que ça ait laissé indifférent les masses socialistes à l'époque. On passe au courrier suivant. On remercie notre auditeur croate de nous écouter. Courrier numéro 2. Heil à toute l'équipe et aux auditeurs participatifs. Mille excuses pour la longueur du courrier. Oui, il est assez long, mais vous allez voir, c'est de la sociologie de terrain. D'abord, je ne vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous faites. Vous êtes le rayon de lumière qui transperce le bain de chiasse et d'huile dans lequel les Français évoluent. Je ne compte plus le nombre de fois où vous m'avez fait rire dans le RER. Grâce à vous, j'ai augmenté mon niveau de racisme, d'islamophobe mou, à national-socialiste convaincu. Je vous écoute depuis la troisième saison et vous envoie 1.3 Monero avec un peu de retard. Bon bah, merci, c'était donc le fameux donateur donc, que j'ai cité au début. Hein. Originaire d'une province blanche, donc civilisée. Je suis parti travailler 10 ans en Île-de-France. Et je confesse que plus jeune, j'ai eu une opinion positive des Noirs sans en avoir jamais croisé un. Hein, principalement à cause des blockbusters juifs ou des Ubermensch noirs qui sauvent systématiquement le monde blanc, donc dans les films américains. Ayant côtoyé ces créatures pendant près de 10 ans, j'ai évidemment radicalement changé d'avis. Ce qui choque d'emblée quand on arrive en banlieue d'Île-de-France, c'est le RER en général. Impossible de prendre une rame sans se trouver à proximité d'un nègre qui hurle au téléphone dans une langue incompréhensible ou dégage des odeurs agressives. C'est simple, les rames dégueulent de cafre. J'ai absolument tout vu. Du nègre sans gêne qui pisse dans les couloirs, du nègre camé qui déambule agressivement dans les allées cherchant un regard à croiser, de la grosse négresse qui... attend le RER à l'arrêt, son gros cul planté sur le siège, balance sa peau de banane par la porte. Cette dernière atterrissant sur le quai, 1 mètre à côté de la poubelle. Du nègre évangéliste hystérique qui hurle « Jésus, notre sauveur !» à 15 centimètres du visage des usagers rentrant du travail. Tiens, Eric, je pense à toi. De la grappe de nègre à 3 heures du mat dans le noctilien qui te dit que tu es un sale blanc et qu'ils vont te piquer ton cuir. Du sale bougnoule qui menace de planter les passants blancs devant la gare de l'Est, des sales bougnoules qui recouvrent la moitié d'un terrain de foot urbain, priant le cul à l'air. Des affiches de conférences du rave Ronchaya placardées sur les cabines téléphoniques en plein Paris, aux cabines juives qui ornent la rue. Oui, vous avez bien entendu, ces sales youtres construisent des putains de cabanes en bois sur le trottoir pour leur fête de parasites primitifs. J'ai aussi observé ébahi des sorties de collège où les enfants de la bourgeoisie blanche hurlaient et crachaient comme des singes, ce qui est uniquement dû au fait d'être en classe avec des négrillons. Bref, je pourrais écrire un livre d'anecdotes en plusieurs tomes, mais j'ai sélectionné les deux suivantes. Alors, on peut commenter au fur et à mesure, hein, je ne suis pas obligé de lire tout d'un coup. Première partie, les ingénieurs blancs. Ayant trouvé un nouvel emploi, je suis en concurrence avec un nègre ingénieur du bled parlant un français approximatif. N'étant pas moi-même ingénieur, et mon niveau de racisme n'étant pas assez développé à l'époque, je pense n'avoir aucune chance face à lui. C'était sans compter la stupidité du nègre bousillant littéralement tout ce qu'il touchait. Cet abruti se faisant dégager au bout de 2 semaines, j'ai assisté quelques semaines plus tard à une scène surréaliste lors d'un repas avec des collègues discutant de la funeste Malika Le Pen. 2 ingénieurs blancs prenant fermement position contre le FN et un Antillais et un Chinois prenant fermement position pour. Le Chinois disant, je cite, « Putain, il n'y a que des Africains quand tu prends le RER, il n'y a plus de Français ici. » Je tiens à préciser que l'Antillais patriote, étant évidemment marié à une putain nègre bretonne, a eu un fils qui s'est converti à l'islam le plus radical. Oh bordel! Bref, voilà. Après cette scène digne d'une dystopie démoniaque, j'ai décidé de ne plus jamais manger avec ces gens et de profiter de mes pauses de midi pour lire et m'instruire. Ce qui a rapidement éveillé la curiosité d'un autre nègre de l'entreprise qui est venu me demander « Mais pourquoi tu lis? Tu as repris les études ?» Le nègre ayant du mal à concevoir qu'on puisse lire une fois sa scolarité terminée. Alors, vous voulez intervenir ou bien je finis le... Je passe à la deuxième catégorie. Non, mais l'histoire du... Ah oui, le, non, le, oui. De l'antillais, la bretonne. Maquée ouais. Avec une putain nègre bretonne. Bien entendu, une disciple de l'éther nègre. Ces gens-là sont... De... Bon, ce sont des... C'est le peuple élu, les bretons. Dans l'eschatologie négrolatrique, le peuple c'est par eux qu'arrive le salut. C'est-à-dire l'espèce de machin, l'espèce de créature, tu vois, qui ah non, l'espèce de ah bah non, c'est ah, le messie. C'est le messie. C'est le messie. L'espèce de machin, il a une gueule improbable, le machin se convertit à l'islam. Putain, ça. Là, c'est le type plus français que lui, tu peux pas, quoi. Les Antillettes, c'est... Alors déjà, qu'ils sont mélangés à la base, t'as des trucs bizarres. Alors mélangé avec du blanc, c'est le genre de truc, tu vois, t'arrives, le mec, tu vois, il a les cheveux, tu vois, ondulés, qui tirent sur le blond avec des grosses narines, tu sais, là, de Congolais, tu vois, et le teint, mais c'est blanc comme un cachet, le truc horrible, quoi. Ouais, français. Alors imagine, alors converti au salafisme, ça laisse poser une petite barbe, tu vois, une barbichette, un bouc, tu vois, avec le poil un peu rare, là, tu sais, c'est tirant sur le roux. Oui, c'est là, comme, c'est comme, alors, c'est comme de, alors, c'est exactement comme de la laine d'acier rouillée, tu vois. C'est, ouais. C'est ça, tu vois, le machin que t'as laissé sur la flotte dehors, ben voilà, de l'acier chinois qui a rouillé, ça te fait ça, ce machin rougeâtre. Putain, oh là, putain, horreur. Hein, les vraiment, gars, on est en train de créer de nouvelles races en fait. On mélange tellement des trucs, tu vois, comme dans un labo, et à la fin ça donne des mutants quoi. Non, mais il y a des trucs comme ça en France. Hein, là, j'ai vu dernièrement une espèce de lesbienne féministe, je sais pas trop quoi, sur Twitter. Putain, une gueule. Tu sais pas ce que c'est, tu sais. T'as un nez de nègre, t'as un visage plus ou moins humain, des cheveux lisses, tu sais pas, c'est indescriptible. La France est partie dans un transhumanisme mais qui n'est oui c'est ça qui va vers le bas, tu vois, qui va hein, qui n'est pas bon. Alors oui, mais pour améliorer l'homme. Nous allons parler de la convention de la droite et tu sais que le transhumanisme est un souci pour les esprits éclairés de la droite, n'est-ce pas, et de l'incorrect, et l'incorrect aime beaucoup les Antilles, ils aiment beaucoup aussi les Libanais. Je pense aussi qu'ils aiment finalement beaucoup la figure libératrice de l'antillo libanais ou du Libano-Antillais. Ils veulent simplement le convertir au christianisme, c'est tout. Hein. Voilà. Bon. Donc il y a des discussions, il hein. Y a des allers-viens, des allers-retours entre salafisme... Au judaïsme aussi, peut-être, non, c'est pas au judaïsme, bah, in fine, oui, puisque bon, quand même, il s'agit quand même de sauver, comment dirais-je, En même temps, les juifs ont une bonne partie de la Bible en commun avec les catholiques. Alors peut-être que l'incorrect se dit, bon, nous pouvons nous retrouver là-dessus. Oui, sur l'essentiel. Donc, oui. Sur l'essentiel. Hein, sur l'essentiel. Bon, Puis il y a quand même Esther, bon, hein, le livre d'Esther, c'est quand même assez sympathique. Bon, on peut laisser avoir leur spécificité. Hein. Tout à fait, tout à fait. Alors, replongeons-nous donc en Île-de-France. Deuxième catégorie, les cafres démoniaques. Arrivé devant Gare de l'Est, je croise deux gros cafres habillés en boubou avec des mâchoires de primates qui avaient l'air fraîchement débarqués de la jungle. Plus loin, un taxi bougnoule discutait avec deux touristes anglophones du trajet qu'ils allaient faire. Un des cafres déboule alors devant eux et s'approche d'un pot de fleurs d'environ un mètre de hauteur. Il sort tranquillement sa bite devant tout le monde et la pointe vers le ciel. Un jet de pisse est alors propulsé dans les airs, retombant sur la pauvre plante. Les touristes effrayés se ruent dans le taxi crouille qui se tire en moins de deux. C'est ainsi que la ville Lumière fut baptisée par la sainte pisse des dieux marrons. Pour finir, je n'aurais jamais dû mettre les pieds en Île-de-France. Ces 10 dernières années passées dans cet enfer du tiers-monde ont été pour moi une pure perte de temps et d'énergie. Il y est très difficile de trouver une femme de qualité. Une bonne partie des blanches s'est en fait bourriquée par des nègres, des arabes ou des juifs. Le pire étant les blanches de banlieue remplacées qui chient des négrillons de manière industrielle. Des bretonnes, probablement. Hein. Il me paraît aujourd'hui évident que la pire chose que puisse faire un blanc contre le système, c'est de créer une famille et d'élever des petits bâtisseurs ariens qui feront dérailler la machine juive. Pour ce faire, il reste heureusement des femmes de qualité et accessibles dans les petites et moyennes villes. Un jour, un nègre, auquel je tentais d'expliquer un schéma très simple, m'a dit qu'il n'était pas capable de le visualiser dans son esprit et qu'il fallait que je fasse le montage devant ses yeux pour qu'il le comprenne. Le plus bel achèvement du juif n'est pas la Shoah. C'est d'avoir fait croire à l'homme européen qu'il était l'égal du nègre. Voir les posters de joueurs de foot et de rappeurs marrons dans les chambres des petits blancs à cet égard. L'homme européen a tout écrasé de par son génie et sa force. Il a vaincu les mers et la gravité, imposé sa volonté sur tous les continents du globe, dompté les électrons et l'ADN. Pendant ce temps, le nègre jouait avec sa bite dans la savane et le nègre aurait pu continuer à jouer avec sa bite pendant des millénaires sans jamais inventer ne serait-ce qu'une simple roue de vélo. La race nègre, race de débiles légers tournant à 70 de QI, et comme vous le dites si bien, une arme biologique détruisant tout peuple qui se métisse avec pour toujours. C'est pour cette raison que le destructeur de civilisation, le juif, saupoudre du nègre toutes les nations peuplées d'Européens, car le juif est effrayé par l'homme européen. C'est Ezra Ford qui nous écrivait ce texte. Alors, je signe des deux mains, même des deux pieds, voilà. Oui. Belle plume d'ailleurs. Oui. Oui, oui. Alors, l'île est vaccinée, hein, l'Île-de-France, plus jamais. Hein, Bob pseudo aussi, Bob pseudonyme. Ezra Ford, oui, ouais. Excellent, excellent, excellent. Oui. Un pseudonyme qui ne plaira pas à cette vieille pédale de Renaud Camus, hein, par exemple, à la droite. À Paul-Marie Couteau aussi, qui n'aime pas le modernisme. Bon, on en parlera. La modernité, on dit la modernité. La modernité du national-socialisme. Sale fiotte. Allez-y, oui. Île-de-France, transport en commun, RER. Malheureusement, hein, oui, parce que bon, j'ai déjà pris hein, le RER, le métro parisien aussi. Dans toute son amplitude, si vous voulez. Bon, c'est toujours un enchantement des yeux et des narines. Mais simplement, je pense que les choses sont considérablement dégradées parce que on reçoit hein, les vidéos. Alors j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une négresse copuler dans un RER, des nègres fous priant. Enfin, on a vu de tout. Hein. Je sais pas. Moi j'ai vu. Je pense pas que c'était sur le site, mais c'est malheureusement passé sous mes yeux. J'ai vu une négresse, une énorme négresse, mm-hmm. Filer de la bière à son gamin de 3 ans dans le RER. La fameuse bière à Messine, cher Gandalf, que nous apprécions tant. Ah oui. La vraie religion du nègre. Hein, la vraie religion du nègre, ouais. Donc c'est arrivé donc en Île-de-France, hein, dans le Var. Alors, mais je me rappelle d'un article, puis j'aime bien parce que c'est écrit par des journalistes de la presse la plus établie. Hein, et alors, ça narrait Les accouchements de négresses dans le RER. Vous savez, les négresses sont tout le temps enceintes, elles sont tout ah le temps ben, en train. Pour le nouvel an, il y en a tout le temps. Voilà. Et alors, évidemment, on vous raconte, oui, le miracle de Noël, machin, toujours quelque chose comme ça. Et on vous explique, oh, le miracle. Alors, et là, t'apprends, comment dirais-je, je sais pas quoi, Marceline truc, né au Togo, enfin, bon, des trucs comme ça. Et, ou Congo, que sais-je. Oui, mais elle ne s'appelle pas Khadija. Oui, donc, elle oui. Elle s'appelle Marceline. Donc, ça va. Et c'est toujours écrit, tu sais. Le miracle, oh mais oui, il y avait un passant témoigne, etc. T'étais censé être ému, etc. Parce que l'autre a déféqué un putain de négrillon en plein RER. Elle a, imaginez, en plus l'odeur. Enfin bon, non, mais imaginez quoi. Putain. Oh là là. C'est vrai que l'humanité manquait de nègres, et un nègre de plus, c'est vrai que ça nous manquait. Je suis très heureux. Moi à chaque fois que je lis ces histoires-là, vous savez, de naissances sauvages de nègres dans les transports en commun, par exemple, j'ai toujours l'image d'aliens dans l'esprit. On a un spécialiste sur... je crois qu'il travaille à Nice matin, me semble-t-il. Alors lui, c'est pas le RER, ah, oui. c'est le journaliste de France 3 ou de Nice Matin. Là, c'est les mariages dont tu veux parler. Il y a les mariages, mais le type est aussi spécialisé dans le défèquement de nègres dans les transports en commun. Ah oui. C'est, oui, c'est. C'est merveilleux. Dieu, voilà. Migrante, t'es arrivé à 15 jours, elle a chié son nègre dans les transports. La parousie. Les gens étaient émerveillés. Les valeurs de la République. Ah bah la transsubstantiation nègre. C'est ça. Bah, vous regardez. Ils ont protesté d'ailleurs. Vous regardez la section mariage hebdomadaire de Nice Matin. Si vous voulez des nègres. Si vous voulez des faciès improbables, vous regardez ça parce que vous avez des trucs, vous ne savez pas ce que c'est. Je crois qu'un des trucs qui m'a le plus amusé, c'était le mariage de deux Gwyn, des mulâtresses, mais portugaises. Dos Santos, ouais. Je ne sais pas quoi. Il y avait des européennes de souche, Gondal. Ah oui, non, oui. Des portugaises des de catholiques. Souche. Oui. Des oui. catholiques. Pouvant lire Bernanos. Ah bah ça va alors. Ah bah, patriote en germe. Hein ? Bon. Non, ils avaient protesté parce qu'à force de se foutre de leur gueule, ils disaient mais quand même les racistes, machin. Nous allons continuer à tenir cette rubrique. Surtout. Oui, surtout, non, parce qu'en fait, il y avait une fois, il y avait un couple de PD qui était particulièrement PD, du coup, pour le coup. Mm. Et les mecs se marraient, tu sais, dans les commentaires, ils disaient, putain, mais c'est quoi, c'est boulébile, enfin, je sais pas, c'était n'importe quoi, quoi. Truc, c'était improbable, tu sais, les types étaient bien en costume, chacun, en gros, on aurait dit des jumeaux qui se mariaient, quoi. Enfin, c'est débile, quoi. Et donc le type se marrait dans les commentaires. Comment ça, la haine, le racisme, l'antisémitisme. Mais oui, c'est vrai que ce matin, nous aimons bien tous les lundis aller regarder ce qui se passe à Nice. C'est un petit peu la température. Et, sachant que ce n'est pas le pire. Si on avait les mariages de Saint-Denis, bon, ben là, ce serait carrément le Congo, quoi. Hein, On aurait, je pense, je pense que ça doit avoir lieu, des mariages en Seine-Saint-Denis, où, comme plat de fête, comme repas exceptionnel, on mange de l'humain. Hein. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit déjà en place, que ce soit déjà en pratique, vu que, bon, on sait que le nombre d'habitants en Seine-Saint-Denis n'est pas vraiment défini. Hein. C'est assez variable. Ah non, ils n'en savent rien. Ils n'en savent rien du tout. Ah ben, ils n'en savent rien. Par contre, ils payent. Ils savent ce qu'ils payent, mais bon, en fait, on ne sait pas. Hein. C'est bizarre. Ah oui, non, ils l'avaient admis, hein, les autorités préfectorales. Enfin, ils ne l'ont pas admis publiquement, mais je crois que c'était à la faveur d'un rapport ou que sais-je, où ils disaient, bon, en gros, ils estiment la population du département de Seine-Saint-Denis à quelques centaines de milliers d'unités près. Ils ne sont pas tout à fait sûrs. Donc, voilà, c'est comme les centenaires, c'est à quelques millions près, hein, c'est pareil. Voilà, c'est ça, oui, c'est effectivement. Donc voilà, donc oui, charmante Île-de-France, qui corrobore, bon, enfin, c'est connu par le RER, bon, c'est pas une découverte, hein, mais je sais pas comment, moi je vois les Français aller vous au boulot. Vous avez déjà compté mon premier, Contact? Mes premiers pas en Île-de-France, hein, Non. aux alentours de 12-13 ans, non, jamais. Donc j'étais venu par le TGV donc de ma Provence natale, dans les premières années du TGV, hein, le TGV Méditerranée. On arrive à la gare de Lyon et on va donc on prend le RERD, hein, du coup, hein, le très, très fameux RERD. Donc c'est très, je pense qu'il y a une vingtaine d'années maintenant, hein, peut-être un petit peu moins. Et on rentre dans une rame, dans un wagon, hein, où tu as deux étages. En fait, tu as le bas et tu as le haut. Donc on va en bas. Et puis tout d'un coup, on entend des gens, enfin des gens. On entend des bruits, c'est-à-dire comme si la rame allait se renverser. Et des cris de singes pour le coup. C'est-à-dire qu'en fait, à l'étage, il y avait un troupeau de nègres, un attroupement de nègres, qui hurlaient comme des singes et qui sautaient, mais vraiment, hein, vraiment comme des singes Ouais, un qui danger un sentaient peu une panthère qui arrivait, tu quoi. vois. Mais c'est pas imagé ce que je dis, c'est absolument pas exagéré, c'est vrai. C'est-à-dire que il y avait une quinzaine de nègres à l'étage qui hurlaient et sautaient comme si un prédateur était sur le point de débarquer dans la rame. Voilà, c'est. Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi ils sautaient Ils comme avaient ça? vu un Ben morceau de rien, viande, c'est ça? Ils étaient absolument rien, effrayés. absolument rien, absolument rien. Peut-être ils ont vu un nuage qui est passé devant le soleil, c'était un signe je sais pas, à savoir. Ils se sont cru dans la savane, ils se sont mis à sauter et à hurler comme des singes. Enfin, comme des singes, comme des nègres. Et là, bon, c'est vrai que là, bon, c'est. Première expérience, je vous jure, j'étais pas là depuis 1 heure. Hein. J'étais pas là depuis 1 heure sur Paris. Je tombe là-dessus. Alors, il y a un truc qui pointe dans son courrier. Il dit que les petits blancs de la bourgeoisie, en fait, sont déjà négrifiés totalement, simplement en étant en contact de la négraille, en fait, hein, même de quelques nègres. Ça y est, ils sont infectés, ils se transforment en bougnoules ou en boucaques manteaux. Est-ce Ouais. que vous avez envie d'en dire quelque chose? C'est pas un jeu Oui, je veux bien. émotionnel. Vas-y, Si dis. tu. Si. Oui, alors, peut-être que la France continue à progresser dans la dégénérescence, ça c'est le progrès vers le bas, mais moi je me souviens d'une époque où c'était le bougnoulisme qui régnait, et où il y avait des blancs, enfin qui en général venaient de banlieue, mais maintenant il y a peut-être aussi des blancs parisiens qui sont touchés, enfin même sûrement, qui parlaient comme des bougnoules et qui écoutaient du rap de Bougnoul, du Lafouine, Soprano, enfin tous les trucs comme ça, et qui imitaient les Bougnoul alors même que les types étaient blancs. Mais ça finit par reparaître dans leur apparence, quoi. Les blancs comme ça, les types finissaient par avoir toujours une espèce de barbe mal rasée, par avoir toujours une espèce de mou torve qui leur tordait les visages. Et à la fin, les mecs finissaient par ressembler même physiquement à des Arabes, alors que c'était des purs blancs de souche. Donc là, je pense que la progression, n'est-ce pas, continue, puisqu'on passe du bougnoul au nègre, et donc nous progressons vers le sud. La France continue sa mission républicaine. Mais en tout cas, j'ai vécu en Île-de-France, et j'étais content, franchement, que le Vélib existe. Parce que quand tu prends le Vélib, tu n'as pas à être coincé dans le métro, ou dans le bus d'ailleurs. En plus, les bus, à l'heure de pointe à Paris, il y a toujours au moins une négresse en boubou pour monter dans le bus, avec l'espèce de rampe, là, il y a une espèce de rampe qui est sous la porte d'entrée du bus, pour la laisser rentrer avec son landau. Toujours un immense landau, avec plusieurs gosses, donc la négresse prend la moitié de l'espace commun du bus avec son landau, ses gosses, etc. Enfin, c'est l'enfer, quoi, c'est l'Île-de-France. Mais justement, on peut échapper un petit peu à l'enfer en étant en Vélib. C'est qu'il vaut mieux aller à Barbès en étant en Vélib, comme ça on est quand même plus. On est un petit peu à part par rapport au monde bien négrifié et bien sale qui nous entoure, quoi. Parce que je sais qu'il y a certains à droite qui aiment bien dire oui, mais la gabegie de Delanoë, le Vélib c'est ultra subventionné, ça respecte pas la loi du marché, etc. Bah peut-être, mais de toute façon, la France étant un pays semi-communiste, rien ne respecte vraiment la loi du marché en France. Et autant que les subventions aillent dans le Vélib pour nous libérer un tout petit peu du progrès, que d'aller purement et simplement dans les terres nègres. Donc finalement, Delanoë aura au moins fait un truc bien, nous soulager un tout petit peu de l'éther nègre qui nous berce et nous entoure. Ah bah ça c'est bien, j'ignorais que le Vélib pouvait avoir une vertu. Par contre, puisqu'on parle de la nuisance, parce qu'en fait les nègres cassent tout, hein, faut savoir, hein, si vous faites jamais venir des nègres où que ce soit, dans un pays, dans un quartier, dans une maison, peu importe, il va se mettre à casser. C'est comme ça. Donc en fait, ça, évidemment, dans les sociétés d'ordre, ça ne peut pas fonctionner. Et pour en venir au Vélib, ben, je crois que le taux de destruction des Vélib est absolument hallucinant. Hein. Je veux dire, le nombre de Vélib balancés dans la Seine, brûlés, dégradés, volés, enfin, c'est fou, je crois. Hein. Enfin, j'ai pas les chiffres, mais je crois que j'avais vu, je sais plus combien de nombre de Vélib qui disparaissaient. C'était vraiment hallucinant. Enfin, c'est incroyable. Ouais, c'est le compte blanc qui paye. Et aussi, il y a le nombre de Vélib que tu retrouves après dans des pays africains. Voilà. Ouais. Tu poses des questions après. T'es bien content de payer des impôts, quoi. Alors, moi, je me pose pas de questions, mais il y a certainement des personnes, quand ils voient ça, qui se posent des questions, oui. Oui, ils se demandent, mais comment se fait-il, etc. Ah oui, fatalement. Alors, puisqu'on a parlé de Nice brièvement, je voulais quand même passer un petit coucou, un salut amical et un encouragement à Nice nationaliste, qui est emmerdé par la justice judéo-communiste, probablement sur pression de Destrosi. Qui est qui sale juif. Oui, qui effectivement dont la mère oui et dont la nouvelle femme a l'épouse aussi. Oui, il a encore connu... et la fille tout le monde en fait hein, voilà donc voilà le la noce à Rebecca hein, comme... C'est ça, mais le soviet de Nice n'est toujours pas tombé. Donc soutien aux nationalistes de Nice qui résistent. Alors mes amis, je vous propose de passer à la rubrique numéro 2, avant de faire une pause musicale, et ce sont les sales juifs de la semaine. Mais ça fait le lien avec la thématique climatique, car vous le savez, c'est impossible que vous ne le sachiez pas, hein, c'est impossible, la planète va bientôt être détruite par une augmentation phénoménale de la température, voilà. Donc là, vous pouvez tout y mettre, hein, les sept plaies d'Égypte, voilà. Enfin bon, les océans qui vont déferler, de tout. Et alors, s'ensuit une grande campagne que vous connaissez, hein, de dénonciation de l'inaction des gouvernements, un appel à la mobilisation, surtout d'ailleurs un appel à augmenter les impôts pour lutter contre le réchauffement climatique. Mouvement qui est, pour amuser la galerie, dirigé par Greta Thunberg, dont on a parlé dans une émission précédente. On s'était longuement arrêté sur son profil, le profil de ses parents, des amis de ses parents, hein, du show business suédois, etc. Et, pour la faire très brève, il s'agit simplement hein, d'un pion entre les mains de la grande finance. Donc ces gens ont un objectif, etc. Et du coup... la grande thématique de l'heure consiste maintenant à lancer des procès. Hein. Donc Greta Thunberg, et puis les gens qui ses conseillers, dont j'ai fait très brièvement une présentation, ont trouvé une très bonne idée pour lutter contre la hausse de la température, qui consiste donc à poursuivre les gouvernements occidentaux pour les faire payer des honoraires à des gens que vous allez très vite découvrir avec nous. Alors, il y a même des déclinaisons nationales de ce concept élémentaire, et très rémunérateur, je veux bien croire, et je vais vous le présenter tout de suite. Alors, là, c'est Le Parisien qui en parle, donc hein, c'est pas une feuille de chou conspirationniste d'extrême droite, hein, c'est la presse de gauche parisienne. Voici ce qu'on nous en dit. Alors, un instant. Voilà. Alors, qui est Iris Duquesne, la Française qui porte plainte contre la France avec Greta Thunberg? Ça, c'est le titre de l'article. Et si la France tenait sa Greta Thunberg, s'interroge donc Le Parisien. Lundi après-midi, on était presque tenté d'y croire, assise à côté de la superstar suédoise, une adolescente de 16 ans, prend la parole en marge du sommet des Nations Unies. La lycéenne d'origine bordelaise y justifie la plainte qu'elle a déposée contre la France, l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil et la Turquie. Comme 15 autres jeunes du monde entier, dont Greta Thunberg, elle dénonce l'inaction des dirigeants sur le plan climatique, comme une atteinte à la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant. En réalité, le parallèle avec l'égérie de la cause climatique qui attire autant qu'elle révulse, s'arrête là. Il faut dire qu'il y a encore un an, Iris Duquesne n'était pas vraiment programmée pour une telle médiatisation. Cette férue de surf quittait la côte atlantique pour San Francisco, où son père venait d'accepter un poste d'ingénieur chez Apple. La problématique écologique la démangeait depuis quelques mois, mais elle ne savait pas comment matérialiser ce besoin. En arrivant en Californie, c'est le déclic. Elle rejoint Health to Our Oceans, une ONG pour la conservation des océans réunissant des dizaines de milliers de jeunes. À partir de là, tout allait très vite. Il y a 6 mois, l'asso a été contacté par le cabinet d'avocats qui rédigeait la pétition. Et comme il cherchait une Française, j'ai dit oui sans hésitation, raconte-t-elle mardi aux Parisiens depuis New York. Alors, je précise quand même le nom de ce cabinet d'avocats international. Il s'appelle le cabinet Hausfeld, du nom de Michael Hausfeld, ou Michael Hausfeld, qui est effectivement... Germain. Oui, c'est un breton des Carpates, disons. C'est un breton des Carpates. Alors, non, c'est un juif. Hein. Voilà. Les avocats juifs sont là. Donc, elle explique comment elle a été contactée. Iris l'avoue d'ailleurs d'emblée. Ce lundi, elle a avant tout rencontré un modèle. On a pu voir Greta, c'était très intéressant, c'est un modèle. Elle parle extrêmement bien, elle est très calme, elle représente bien les besoins et la demande de la jeunesse. Dans cette aventure, la mission de la Girondine consistait donc surtout à raconter son vécu de victime. Dans le dossier envoyé au Comité des Nations Unies, elle alerte sur la répétition des canicules en France, sur la prolifération des moustiques tigres ou la multiplication des tornades et des tempêtes de grêle. En France, hein. Après la tempête Xynthia en 2010, Iris a développé une peur de la pluie. Elle a fait des cauchemars récurrents de tsunamis et de tempêtes, peut-on lire dans le document accessible en ligne. Iris est représentative de la jeunesse française et des menaces qui pèseront sur elle au cours des prochaines décennies, nous assure Scott Gilmore, l'un des avocats à l'origine de la plainte. Bon, lui, il bosse, hein, c'est le goy qui bosse donc pour le cabinet en question dont j'ai cité le patron. Hein. Au lendemain de sa prise de parole, Iris Duquesne a en tout cas refusé de commenter l'agacement d'Emmanuel Macron et du gouvernement face à cette plainte inédite. C'est peu dire que le chef de l'État n'a pas apprécié cette initiative qui n'épingle pas les États-Unis, la Chine ou l'Inde, qui sont pourtant les 3 plus gros pollueurs du monde. Cet argument est compréhensible, le problème c'est qu'ils ne font pas partie de ce protocole, mais les cabinets d'avocats font en sorte de trouver des alternatives, a-t-elle simplement répondu. Ce tempérament très sage, sa grand-mère Christiane nous le confirme. Et décrit une fille très brillante et très mûre, avec beaucoup de certitude. Sa famille, justement, est-ce d'elle qu'elle tient sa fibre écologiste? La jeune fille indique que ses parents l'ont sensibilisée aux gestes élémentaires et au respect de la nature, mais pas outre mesure. « Moi, je vote depuis 30 ans écolo, mais j'ai toujours eu du mal à les convaincre. J'ai quand même l'impression que tout est en train de changer depuis quelques mois. C'est incroyable !» lâche sa grand-mère. Hein. Donc la grand-mère, qui vous l'avez compris, est une boumeuse totale. Une putain de boumeuse de merde. Qui est, bon, écolo, hippie, enfin bon, voilà. Alors, bon, messieurs, ok, il va faire chaud. Les contribuables, hein, les goy, ils vont devoir casquer. Ils ont trouvé une formidable porte-parole en la personne de la bordelaise Iris Duquesne. Qui veut alors, je rappelle quand même, Gandalf, parce que j'ai senti un peu d'ironie quand même dans ton oui, récit. C'est vrai, oui. Voilà. Donc, les choses vont mal parce qu'il y a des moustiques. Elle est contente, elle n'est pas contente, Iris, parce qu'il y a des moustiques. Et elle rêve de pluie. Elle fait des cauchemars. Donc, ouais. C'est des choses sérieuses quand même. Et tsunami. Les tsunamis en France, quand même, bon, faut pas trop en rigoler. Oui. Donc, mais par contre, tu vois, la planète va mal, mais si jamais tu fais un bon chèque, toi, petit goy, ça va aller mieux tout de suite. En tout cas, ça ira dans la bonne direction. C'est-à-dire que cette conne, elle est sur la côte atlantique. Donc, enfin, elle vient de là, quoi, de Bordeaux, tout ça, quoi. Hein. Mm-hmm. Elle a peur des séismes, quoi. Bon, y a pas de faille là-bas, hein. Ah bon, c'est fini. Les Pyrénées sont une chaîne de montagnes qui sont vieilles. Hein, ça tient plus. Il y a les plaques entre l'Espagne et le Maroc, si tant est qu'il y ait une différence entre ces deux pays. mais à part ça, au niveau sismique, bon, là où elle se trouve, bon, c'est, en tout cas en France, ça n'est pas le cas. Elle est allée se foutre, par contre, à San Francisco. Parce que papa est ingénieur Apple. Bon, oui, on se doute que. Elle a été démarchée par le cabinet d'avocats. Oui, oui, c'est-à-dire que. Oui, c'est... Par les juifs, donc elle, cherche voilà. Ils cherchent des. Ils cherchent ça, hein, voilà. Donc en fait, prendre du blé, quoi. Non, mais le truc, c'est génial. Quelle race. Non, mais il y a une Française qui veut briller sur la scène internationale. Comment? Contactée par les Juifs, pourquoi? Pour faire les poches de son propre peuple. Non, mais c'est... Même Macron a été choqué, d'ailleurs. Hein, mais c'est-à-dire que, oui, parlons un peu de cet oiseau de nuit, là. Vous vous rappelez, on en a parlé, quand même. Vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines, il était déjà occupé à couper l'Amazonie en deux. Il avait C'est vrai. expliqué à Bolsonaro que la moitié du Brésil venait de d'échapper à sa souveraineté. Alors il trouvait ça très bien. Maintenant qu'on commence à lui demander, parce qu'ils n'ont pas encore évolué les montants. Bon, à mon avis, si les Juifs se mettent à bouger, ça va pas pour être demandé 15 000 euros de dommages et intérêts, à mon avis. Hein. Bon, si la juiverie américaine, avec ses hordes, ses armées d'avocats ashkénazes, commence à s'intéresser aux finances françaises, ce n'est pas pour les délester, c'est pas pour délester le contribuable français de 1 ou 2 millions d'euros. Hein. Ça va être beaucoup Non, plus, ça va ouais, être plus non, substantiel. Ça va être au plus moins 6 substantiel. millions. Oui, c'est-à-dire que Au moins. quand ils arrivent avec une petite poignée de séfarades, on s'en sort à quelques centaines de millions d'euros, hein, le monsieur Mimran et Oui, voilà, compagnie. oui. Hein, donc c'est Ah, donc non, c'était quand des tu tues. milliards. C'est des milliards déjà, Oui, ça. Hein. c'est des milliards, exact. C'est des milliards. Je C'est pensais quelques 4 centaines milliards. de millions d'euros chacun. Oui, C'est vrai. Voilà, c'est bon de Par préciser. séfarade, Et par donc, séfarade. par séfarade, par gueule de chameau, hein, de mi-chameau, mi-tapir, une espèce de truc là, qui aspire des pièces par terre. Et donc là, quand c'est du cabinet d'avocat Grunsfeld qui arrive de New York en allant tout. Krakenfeld. Krakenfeld, tu vois, l'espèce de Kraken, la pieuvre qui arrive, tu vois, et qui t'aspire des petites goyas qui sont venues s'échouer sur les plages pleines de méduses de San Francisco. Bien Oui, oui, précisons là. qu'à San Francisco, il y a quand même. Bon, San Francisco, excusez-moi, c'est quand même la capitale mondiale du Du sida. sida. Du Je sida. Et des nègres qui chient sur les trottoirs, excuse-moi, Oui, aussi. aussi. Et qui font des overdoses. C'est-à-dire que tu te promènes à San Francisco, tu dis, ah, c'est beau, tiens. Ah, il y a le brouillard un petit peu, tiens. Là, le brouillard est parti, il fait beau, tiens. Oh, un nègre qui fait une overdose de crack sur le trottoir. C'est comme c'est intéressant. Hein, et puis, 50 mètres plus loin, quelqu'un qui se défroque, qui chie en plein milieu du trottoir. C'est tout. C'est normal. Oui, c'est C'est vrai, un c'est vrai. asile. San Francisco est un asile à ciel ouvert. Ah non, c'est le laboratoire avant-gardiste du progrès occidental, faut le savoir. C'est Faut ce qu'on savoir, appelle c'est le paradis du judaïsme pour les goy. c'est ça. Il faut savoir que nous vivons tout ce qu'on vit au quotidien, c'est les conséquences directes de l'impérialisme de San Francisco. Hein. C'est ça, hein. C'est l'impérialisme de San Francisco, San franciscain, quoi. Vraiment, faut le Quoi, de savoir. la Californie, quoi. Oui, de la Californie, mais plus spécifiquement de San Francisco. Voilà, tout ce qu'on voit provient de cette zone-là. Ça m'avait marqué, moi. Enfin, j'étais là-bas une fois là, dans le cadre d'études et compagnie. Dans l'avion, je tombe sur un Français à côté de moi. Métis, gueule, espèce de mi-mauritanien, mi-français, enfin, c'est truc bizarre, quoi. Et puis bon, tu commences à discuter. Jeune, hein? Le type, il devait avoir 30 ans. Hein. Commence à discuter avec moi, et je dis, ouais, il parle de ses enfants et compagnie. Et puis d'un coup, il me parle de son mari, putain. La vache! Oh bordel. Oh là, putain! Oh putain! Oh là là là! Le type était enseignant à l'université du coin, hein, je sais plus comment s'appelle le machin au nord de San Francisco. Hein. J'ai oublié. Enfin, en gros, il devait faire des machins, enseigner la pédalerie Ouais, à tout va. la pédalerie appliquée. C'est une espèce de métis nègre d'Aquitaine, enfin, par là, Encore? quoi. Ah, encore. Il y a une conjonction là. Et ouais, là, c'est sida total, quoi. Sida total. Ouais, sida Sida. total. Alors, messieurs, c'est pas tout. Permettez-moi de lire un article du Point. Les indiscrets. Ils tiennent, non, mais vraiment, là, je veux dire, c'est la terre promise. Cette histoire de réchauffement climatique, c'est la terre promise. Article du Point. Comment Duflot fait travailler son compagnon? C'est le nom de la brève. D'où les yeux. L'ex-ministre Cécile Duflot, 44 ans, présidente de l'ONG Oxfam France, poursuit l'État avec force publicité en raison de sa supposée inaction en matière de protection de l'environnement. Ah, bon, réédition. Parmi les avocats choisis par Oxfam dans ce dossier figure Arié Halimi, 42 ans, qui a pour particularité d'être le compagnon de la présidente d'Oxfam. Celui qui tient le blog Avocat et militant sur Mediapart est pourtant moins connu pour ses plaidoiries en faveur de l'écologie que pour la défense d'activistes d'ultra-gauche, tels ceux qui avaient incendié une voiture de police avec ses fonctionnaires à l'intérieur, dont le fameux Bernanos. Comme quoi le monde est petit, on en revient toujours au même truc. Donc là, je parle évidemment du descendant de Bernanos, qui est un anarchiste, fils de la grande bourgeoisie, dont vous pouvez suivre les frasques, etc., et qui a effectivement été condamné en octobre 2017 pour tentative d'homicide contre un agent de police, d'ailleurs noir. Hein. Il a échoué parce que le gars était assez solide et l'a calmé. Donc ils étaient toute une bande d'anarchistes, ont essayé de cramer le véhicule. Le véhicule a cramé, mais le type était à l'intérieur. Ils ont essayé de brûler un nègre. Hein. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Alors, attention, il avait été condamné à 5 ans de prison, dont 3 ans ferme, bon, pour homicide, hein, pour tentative d'homicide, octobre 2017. Le sieur a été libéré en avril 2018. En sachant qu'il a été interné en décembre 2017. Donc le type a passé 4 mois en prison. Toute l'extrême gauche, le procès politique, on interne les opposants, etc. Bref, et là, il était encore en détention préventive, encore pour une rixe, etc. Il vient d'être libéré au mois d'août, voilà. Donc c'est ça que protège donc le fameux Arié Halimi, qui donc se transforme maintenant en militant du bolchevisme vert, bolchevisme certes, pour le contribuable. En revanche, pour son cabinet... pas bolchevisme du tout, hein, au contraire, hein, je pense qu'il compte très bien son argent. Donc voilà, Arié Halimi, le juif, associé à Cécile Duflo, donc pour piller les caisses de l'État, sur le modèle de ce fait, de ce que fait le cabinet... Le cabinet Crocsfeld... Alors pour être précis, le cabinet de Michael Hausfeld, aux États-Unis à l'échelle globale, voilà, avec comme figure de proue, donc Greta Thunberg, et par pays... une représentante au pillage, en l'occurrence là, Iris Duquesne. Donc, ça y est, voilà, on y est. Le pillage. Alors, le H, bon, peut-être pas dans les... peut-être pas chez les Germains, mais en tout cas, dans des pays un petit peu plus bas chez les Slaves, le H a tendance à se prononcer, tu vois, comme ça. Donc, moi, je suis pour le Crocsfeld. Hein, le Crocsfeld de la Crocsfeld. Non mais des fois, alors mais non mais si juste simplement si nos auditeurs veulent se voir la tête du crime, et on dirait Nosferatu. Hein. Michael oui. Hausfeld, c'est une copie de Nosferatu. Ça fait peur. Hein. Ah ça fait peur. Hein. Ah ouais non bon bah, voilà. Alors est-ce que vous voulez me dire, vous réagir un petit peu à cette alors pas sur le réchauffisme en général, hein, mais sur cette opération. De pillage coordonné par les juifs contre des gouvernements entiers, avec cette excuse formidable. En plus, c'est ce qui est génial avec le réchauffement. Ils ne sont pas tenus de fournir les preuves, puisque c'est tenu pour acquis maintenant. Et vous savez, mais comment la matérialité des faits. Ils disent, voilà, l'État français fait pas ci, fait pas ça. Mais la matérialité, comment vous prouvez par A plus B que les contribuables français sont responsables pour la hausse de la température? Non mais je veux dire... C'est vraiment bien, vous gagnez à chaque coup avec une arnaque. Comme ça. Ni pour le passif, ni même pour les résultats futurs. Quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas quantifier finalement ouais. le CO2, etc. C'est un peu impossible. Quoi. Donc ils sont gagnés à tous les coups. J'ai presque tendance à. J'ai l'impression qu'ils commencent à se dire putain, bon, l'Holocauste, c'est un bon business, hein, comme dit l'expression. Hein, there is no business like the Shoah business. Mais peut-être que finalement, il y a une alternative, et d'autant plus qu'elle est indéterminée dans le temps. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez m'en dire de ça? Ou même de Greta Thunberg. Et parlons de Greta Thunberg aussi. Là, sa prise de parole à l'ONU, cette espèce de folle, là, quand elle est possédée, où elle insulte les chefs d'État présents, qui applaudissent comme des bonnets d'ailleurs. Vous avez vu ça? Qui a une tête vraiment qui fait flipper. Et en fait. Alors, souvent, je pense que les gens ont vu beaucoup l'extrait où elle fait, elle dit « Vous m'avez volé mon enfance ». Si vous voulez rigoler un bon coup, regardez vraiment son intervention en entier et essayez de compter le nombre d'arguments. Il n'y en a pas. C'est que du pathos tout le temps. Bon, en fait, elle a cette petite bourgeoise qui se nourrit, qui est végane et qui se nourrit au tofu et qui voyage dans des conditions extrêmement favorables et qui ne va pas à l'école, se plaint qu'on lui a volé son enfance alors qu'elle a une vie extrêmement confortable. Quoi. Donc, ouais, super. Cette histoire d'ailleurs de réchauffement climatique, là, avec cette taxe à l'infini envers le blanc, me fait penser à un dessin animé, en fait, je ne me souviens plus le nom, peut-être que les auditeurs pourront le reconnaître, où en fait on se moquait finalement d'une société de consommation jusqu'au boutiste, et on arrivait à la fin où on taxait finalement l'air que respiraient les habitants. Et ben là, en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on vous taxe à l'infini. On vous taxe à l'infini sur une denrée en fait finalement qui est accessible à tous et sur lequel finalement vous avez pas de contrôle particulier quoi. C'est magique quoi. Dire dans 20 ans cette histoire de réchauffement climatique, même si ça n'a pas bougé d'un iota, il y aura quand même toujours les taxes parce que vous imaginez il y a quand même toujours la menace future de la planète qui va imploser si jamais on ne fait pas d'échec quoi. C'est fantastique, c'est le jackpot à tous les coups. Qui aurait pu imaginer une taxe sur la température? Je vous pose la question. Les Juifs. Mais oui. Titus, est-ce que tu as ah, envie de nous dire que... ils ont déjà fait la même histoire avec le CO2, quoi. Oui, c'est... Imran et compagnie, donc. C'est normal, quoi. Quoi de... Bon, les Juifs, quoi. Je crois que enfin, ici, la démocratie participative, nous ne disons pas assez de mal de cette race. Trop peu, je crois. Titus, est-ce que tu as envie d'en dire quelque chose? Oui, alors je reste fasciné par le à quel point les jeunes femmes sont vraiment un espèce de réservoir inépuisable. À l'époque du marxisme, c'était Le Pen prolétariat. Et là, aujourd'hui, ce sont les jeunes femmes. Dès que les juifs font un mauvais coup à faire, il y a toujours des jeunes femmes qui vont se jeter à leurs pieds. Enfin, c'est pas nouveau, cela dit, parce que là, il y avait un extrait de Céline qui tournait beaucoup. En tout cas, dans nos milieux, lorsque l'affaire Weinstein avait éclaté, qui est que déjà à l'époque de Céline, donc années 30-40, les jeunes femmes se pressaient aux pieds des manias juifs de Hollywood, étaient toutes prêtes à se faire bien bourriquer à la chaîne pour un petit espoir de peut-être passer une demi-seconde à la caméra dans un film. Et le phénomène n'a fait que s'accélérer et s'élargir, puisque y a toujours le cinéma, mais il y a aussi les médias et le reste. Mais je me souviens qu'il y avait une photo qui avait tourné aussi de la rédaction du Huffington Post, je sais plus lequel, vu qu'il y a des antennes partout, mais où il y avait littéralement que des jeunes femmes, enfin donc que des femmes, et que peut-être à part la chef, la mère poule, il devait y avoir que des femmes entre 20 et 35 ans, pas plus. Et là c'est pareil, donc Greta, Iris Duken, alors on voit qu'ils les recrutent de plus en plus jeunes, hein. Bon, peut-être pas à l'âge qu'aurait voulu un Cohn Bendit, mais on commence à s'approcher, quoi. Oui, ça y est, on fait dans les mineurs maintenant, effectivement. Fulbert, peut-être, veut dire quelque chose? Oh oui, mais je vois que dans d'autres pays, effectivement, comme l'a très bien signalé Titus, ce sont des jeunes femmes, des adolescentes, qui sont à la tête de ce combat-là. Hein. J'ai même l'impression que finalement, la femme est vraiment le point faible, pas seulement dans la race blanche, mais dans toutes les races. Bah oui, il faut bien convenir que sur la question des femmes, l'islam a quand même bien identifié le potentiel de problème, hein. Il faut bien Oui. l'admettre. Permets-moi d'évoquer indirectement eux-mêmes qui a lu en ce moment, Oui, vas-y, vas-y. ce qui est assez rigolo. Bon, je sais que ça va faire graisser certains Hébreux ou certaines personnes ressemblant à des rabbins. Mais oui, il y a même 4chan en ce moment qui fait un petit peu chier tout le monde. C'est donc des types qui mettent des autocollants Islam is right about women. Donc l'islam a raison à propos des femmes. Bon, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité de droite, hein, sur démocratie participative, c'est-à-dire pousser les féministes et les islamistes à se bouffer le nez entre eux, Oui. puisque bon, en théorie, la place de la femme en islam n'est pas compatible avec ce que ces putains de féministes sont à prôner. De jour en jour sur les réseaux sociaux et surtout dans Oui, nos oreilles. ce que tu veux dire, c'est que d'un côté, il y a donc l'islam a raison à propos des femmes, comme slogan, et qui heurte de plein fouet la narration officielle et les déclarations régulières des dirigeants politiques, notamment de gauche, ou dits progressistes ou macronistes qui vont dire, par exemple, comme à l'instar hein, de Castaner, l'islam est une religion de paix, etc. Hein, c'est ce genre de truc, ou une religion d'amour aussi, avait-il dit. Donc quand vous dites ça, vous dites, bah oui, bah, l'islam a raison à propos des femmes. Là, les progressistes, ils sont un petit peu échec et mat, parce qu'il va falloir choisir un des deux. Et c'est vrai que c'est un bon mème, faut bien le dire. Hein. Ça permet de créer du clash, c'est intéressant. Donc, mais oui, quand on voit Greta Thunberg, mais cette jeune fille-là, enfin, normalement, elle devrait être placée dans une institution spécialisée. Enfin, on voit bien que c'est une... enfin, elle est un peu plus reconnue, quoi. Enfin, c'est une gamine qui a des problèmes psychiques. Oui, c'est une folle. Je rappelle qu'elle voit le CO2 à l'œil nu, hein, sur ses parents. Ah oui, c'est ça, oui. Oui. Alors, c'est une gamine, alors bon, c'est une gamine qui a fait 3 mois de voilier sur l'Atlantique avec des skippers, bon, des trucs super, etc. Qui arrive à New York et qui dit vous m'avez volé mon enfance. Excuse-moi, j'aurais bien aimé faire du voilier, moi, et à son âge, hein. Bon, je sais pas, hein. Ta gueule, sale pute, quoi, hein, j'ai envie de te dire. Oui, bah c'est pas. Alors, tu vas pouvoir le dire à Iris Duquesne. À Iris Duquesne, parce que maintenant, on va avoir notre Greta nationale. Elle arrive. Je pense pas, elle a l'air un peu trop conne, tu vois. Ouais, putain, oh là là, vache, ouais, putain. Elle est conne. Elle a l'air. Elle a des yeux de gobie, on dirait une gobie. elle ouvre la bouche, elle aspire la flotte que pour respirer. C'est une gobie, c'est ça. Mais là, enfin, ça n'ira pas plus loin. Ça n'ira pas plus loin, en tout cas, que cette représentation rabbinique du cabinet Creutzfeldt. Hein, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, mais là, on voit vraiment le vice du féminisme rouge suédois. Oui. Hein. Putain. Oui, oui. Enfin bon, mes amis, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Oh, Nous revoici pour cette deuxième partie de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 38. Première discussion de la semaine, nous allons aborder la conversion de la droite qui a eu lieu ce week-end à l'initiative de Marion... à l'initiative de Marion Maréchal Le Pen, dont je me félicite. Marion Maréchal, ex-Le Pen. Ex-Le Pen, c'est vrai. Elle a je rappelle quand même, c'est bien, il faut rappeler, parce que c'est le secret de la communication, il faut rappeler les choses. Elle avait explicitement demandé, je crois, à l'état civil, et en tout cas aux médias, de reprendre son nom de famille pour se faire élire dans le Vaucluse, hein, en se faisant appeler Marion Maréchal Le Pen, et être passée dans le privé, vous savez, parce qu'elle devait aller bosser dans une entreprise, je ne sais quoi, ça a été assez court, hein, elle a décidé d'abandonner son nom Le Pen. Voilà, en fonction de l'opportunité, donc d'où effectivement l'expression Marion Maréchal ex Le Pen. Voilà. Donc à son initiative, à son appel, la droite a convergé, enfin du moins nous a-t-on dit ça comme ça, en ces termes, la droite a convergé à Paris pour faire le point sur la situation, fixer un nouveau cap avec des idées et des concepts nouveaux susceptibles donc de la réformer, voire de la refonder. Évidemment, des intervenants étaient présents, qu'on a voulu être connus, hein, c'est très clair, il y avait la recherche de la plus forte visibilité médiatique possible. Alors je précise que les organisateurs appartiennent en fait à l'équipe de l'Incorrect, petit journal de la réaction bourgeoise, me semble-t-il, vaguement catholique, hein. Dont les références intellectuelles sont très fluctuantes. On passe de Montesquieu à Raymond Aron, on est quand même dans le libéralisme, on n'est pas quand même à Saint-Nicolas du Chardonnay, c'est ce que je veux dire, hein. Donc ce n'est pas le catholicisme cléricalo-fasciste du tout, c'est plutôt c'est ce qu'on appelle le judéo-christianisme. Oui, tout à fait. Alors, donc, ils sont plus judéo que christianisme. Oui, c'est ça. Alors, c'est les valeurs d'Eric Ciotti, enfin, voilà. Hein. Oui. Alors, ou d'Estrosi, d'ailleurs. Comment dire ? Donc, ces organisateurs ont aidé Marion Maréchal Le Pen, enfin, ex-Le Pen, à organiser ça. Et donc, on a vu toute une série d'intervenants. Alors du coup, je vais vraiment vous donner la parole, puis on va, comme ça, un petit peu les uns les autres, voilà, rebondir sur ce qui a pu se dire ou pu se faire. On va peut-être passer en revue, tout simplement, les intervenants qui ont été présents. Alors, je lance, hein, j'ouvre le jeu, hein, c'est moi qui lance la balle de ping-pong. Intervenant remarqué, à défaut d'être remarquable, Raphaël Enthoven. Hein, donc le rabbi Enthoven est venu, a accepté l'invitation de Marion Maréchal pour porter la contradiction. Je trouve que c'est une excellente idée, en plus des juifs qu'elle avait invités pour l'appuyer, d'inviter des juifs qui lui crachent à la gueule, et en fait par procuration surtout à la gueule de ceux qui pourraient être tentés par un vote anti-immigration. C'est toujours mieux, hein, voilà. Donc le rabbi Enthoven est venu. Rabbi Enthoven, que vous connaissez nécessairement, puisqu'il officie sur Europe 1, hein, voilà, c'est là, dans cette synagogue-là qu'il officie. Il donne les bons, les mauvais points, surveille d'un œil, hein, très vigilant, les indigènes de la République, que vous connaissez, hein, donc les gens de couleur, hein, qui remuent un petit peu, enfin, qui remuent, c'est pas quand ils remuent contre les Blancs que ça pose problème, c'est quand ils remuent contre les Juifs, donc il est très vigilant, il surveille un peu tout ça. Ouais, enfin, France Inter, qui est une radio communautaire, hein, rappelons-le. Ah, Me semble-t-il qu'il est sur Europe 1. Après, s'il officie à côté... Ah, il est sur Europe 1. Je crois. Oui, enfin, ça n'enlève pas de caractère communautaire. Rabbi Enthoven ne nous apprécie pas non plus. Non. Parce que nous avions eu le malheur de remarquer que sa progéniture était aussi... inspirée par l'âme hébraïque éternelle. Oui, donc un reproche a été fait, comme quoi nous aurions tendance à lier le physique à l'âme. Bon, Oui, les nez en forme d'ouvre-bouche. Oui, des choses comme D'accord. ça. Voilà, effectivement. Alors, messieurs, ça commence comme ça, hein, Raphaël, qui dit en fait, à un moment, il y a une déclaration, il dit voilà, les vrais patriotes sont ceux qui acceptent hein, de reconnaître les crimes de leur pays. Donc, il faut ça passe par là. Le patriotisme passe par la culpabilité, la reconnaissance de culpabilité, donc évidemment, hein, face à l'autorité morale constituée, qu'est bah, le rabbinat, hein, bon, par définition. Oui. Donc, quelqu'un là-dessus? Oui, deux mots me viennent à l'esprit là tout de suite. Le premier sera Jacques et le second Chirac. Ah oui, vas-y, développe un peu. Enfin, Ben oui, non, mais là bon, si tu veux, en fait, le rabbi Antoven ne s'est pas trop fait chier à préparer son discours. Il est venu là et s'est dit, bon, je vais cracher sur les blancs, sur les goïms de merde. C'est quand même, ces goïms sont assez cons pour m'inviter là. Tu vois, bon, oui. donc il vient, il procède à son office. Il a profité de la mort du vieil incapable de Chirac pour, ben, Oui, pour le prendre un témoin, un témoin de pour le moralité. prendre un témoin, et dont les médias n'ont pas hésité, bon, le service public en particulier, hein, bon, j'ai compté, excusez-moi, j'ai compté à une soirée, chers amis, le service public a rappelé 17 fois, 17 fois, que Jacques Chirac avait courageusement Oui. dénoncé la France dans sa participation au L'État français. génocide de 300 millions de juifs Oui. évaporés, enfin, créés, Oui, on ouais, sait pas bon, trop, oui. disparus, on ne sait pas trop, Alors disparus à New voilà, York, quoi. voici la citation exacte d'Enthoven. Le patriotisme est aussi un amour exigeant qui regarde en face les crimes de son pays. Alors bien évidemment, il ne parle pas du nettoyage ethnique organisé en Palestine par l'État d'Israël, comme nous, faut pas non plus. Hein. Donc non, il fait bien mention hein, du rôle criminel de la France depuis tout le temps, plus ou moins, hein. Tout le temps. Alors, moi, j'ai cru de prime abord que M. Enthoven venait faire reproche aux partisans de Marion Maréchal du racisme anti-blond dont faisait preuve M. Maurras. Je ne sais pas. Bon, c'est quelque chose qui a eu lieu. Hein, Charles Maurras n'aimait pas les blonds d'Outre-Rhin, surtout. Pas Hein, trop, pas trop. pas trop. Donc peut-être M. Enthoven parlait de ça, mais en fait, non. M. Enthoven. Ben non. Évidemment, des intérêts qui sont en rapport avec sa tribu de démons incestueux. Alors, comment dire? L'incorrect a évidemment commenté hein, toute la série d'interventions, et quand Enthoven s'exprime, voici ce qu'il précise. Raphaël Enthoven est applaudi par l'assistance. La droite respecte les adversaires élégants. Ah bon? Parce que c'est élégant de dire que votre pays est un pays de criminels et que si vous êtes un goy qui comptait peut-être un peu respirer en France dans le futur, il va d'abord falloir ramper, mais beaucoup plus bas. Et ça passe déjà Alors par oui, mais ça. si... Alors Gandalf, je t'arrête tout de Oui. suite, si tu veux, tu n'es pas au fait des codes de la droite parisienne. Ah. Monsieur Antoven était bien habillé. Ah Voilà, oui. il Un portait costume. costume, il portait D'accord. chemise. Donc, nous devons nous respecter, ce sont les codes de la bourgeoisie, hein, La voilà, bourgeoisie des de gens droite. normaux, hein, Oui. des humains. Hein, bon, Oui, le fond, le c'est fait que subsidiaire, effectivement. Oui, je vois d'accord. subsidiaire, bon, d'ailleurs, bon, tu as évoqué la communication du compte Twitter de l'incorrect. Cette communication-là, étonnamment, hein, très étonnamment, fait penser à des communications que peuvent avoir certaines marques de vêtements parisiennes d'ailleurs, hein, qui font des préventes, des trucs comme ça, qui te vendent une espèce de semi-merde, tu vois. Ouais, dans l'événementiel, tu veux dire, hein. Voilà, dans l'événementiel, ah ouais, je vais te vendre les Ouais. super chaussettes, machin, tu vas voir, hein, tu vas pas transpirer dans tes Précommande, pompes et tout. précommande, précommande. Vas-y, vas-y, tu vas recevoir tes chaussettes d'hiver au mois de mai, c'est super. Vas-y, vas-y, génial. Vas-y, achète, achète, achète. Bon, ça pue quand même le sentier, quoi. Il y a quand même des mélanges qui se font. Je sais pas si ces mélanges se font. Oui, Ah, moi, avant même que tu prononces ta phrase, avant même que tu prononces ta phrase, je peux te dire oui. Oui, Oui. je pense que ces bourgeois de merde, que ces espèces de grenouilles de bénitier à la con, baissent de la céfarade. C'est obligatoire. C'est-à-dire que là, la communication tellement vulgaire, tellement Ouais, racoleuse, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. ne peut que avoir rapport avec l'île de Djerba. Voilà, Ça, ça, La c'est. vulgarité séfarade, la fameuse. Bah là, C'est obligatoire, c'est obligatoire. je vais citer un peu de Soral. Oh, Bon, je vais vérité! citer Soral au moins sur sa formule qui était quand même assez drôle. Oui, ça fait pas tellement pudeur et le nom chrétien. Non, non, non, non, non. Oui, non, non, c'est clairement pas, clairement pas. Alors, simplement. Autour de la table, qui veut sur la présence, enfin la présence et l'intervention de Raphaël Enthoven, donc comme vraiment hein, comme autorité extérieure, qui, en fait qui vient simplement, Enthoven intervient pour voir si le mouvement est cachère en fait. Hein, il est là pour poser le sceau cachère sur la bouffe quoi. Il est là bon, qu'est-ce que vous dites quoi machin etc. Et en fait le message qu'il envoie, parce qu'il faut être, il faut décrypter un peu le yiddish. Moi je suis assez familier de cette langue parce que je la parle couramment quoi. Donc qu'est-ce qu'il veut dire le Rabbi Enthoven? Il veut dire, écoutez, bon, vous aimez pas les musulmans, vous aimez, d'accord, ok, très bien. Je veux bien tolérer dans la France qui est en voie de libanisation et qui va devenir quand même un petit peu difficile, un petit peu pour tout le monde, et surtout pour hein, le peuple élu, parce que bon, y a des conflictualités à gérer. Il dit, je veux bien, ok, votre islamophobie. Mais il me faut une garantie. Et cette garantie, bah, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, il faut reconnaître. Faut reconnaître que vos ancêtres sont des salauds. Faut reconnaître que votre pays est consubstantiellement une entité de fils de pute. Si vous acceptez de dire face au peuple élu et face à l'autorité constituée qui contrôle la France, à savoir la juiverie, si vous acceptez de lui dire que vous êtes coupable face à elle et que vous demandez humblement le pardon, mais alors attention, hein, Teshuva. un pardon qui ne vient jamais en fait, hein, mais que vous êtes dans cette démarche-là, écoutez, on peut tolérer votre islamophobie agressive, etc. C'est acceptable. Mais partant de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que, par définition, vous vous mettez dans un rapport d'infériorité politique vis-à-vis de ces gens-là, donc vous acceptez leur autorité morale et politique sur vous. C'est ça que ça veut dire, c'est ça le deal. Et finalement, Enthoven, bon, du point de vue juif, c'est assez réglo son truc. C'est assez réglo, voilà, c'est le juif qui fait le juif, quoi. Y a rien de nouveau. Là où ça craint, ce sont les facilitateurs, dirigés entre guillemets, quoi, par cette pétasse de 30 ans qui est Marion Maréchal. Bah, c'est là que c'est effrayant. C'est là que c'est effrayant en fait. C'est pas le fait qu'Enthoven soit un sale juif. Une pétasse qui n'est pas capable d'articuler correctement sur un discours qu'elle a appris depuis 2 ans, quoi. Ça, c'est quand même indigent, hein, je Alors trouve. on va revenir sur son intervention. Qui veut juste sur Enthoven dire quelque chose? Personne d'autre? Titus, est-ce que tu veux intervenir? Est-ce que tu veux préciser? Non. Pas spécialement. D'accord. Titus? Bah moi, en fait, j'attendais plutôt de parler de Marion Maréchal Bon, elle-même. bah, ouais, on va faire ça alors. Dans les meetings de gauche, il n'y a pas une telle concentration de vues. Enfin, je veux dire, moi, je crois peut-être que dans les grands meetings socialistes, peut-être j'ai vu ça dans les années 90. Ouais, on a peut-être vu ça, ouais, vraiment beaucoup de juifs intervenir. Mais là, c'est unique, quoi. Bon. Alors, on relève par exemple la présence, bon, très anecdotique, hein, mais. D'un certain Fabrice Hakoun. Hakoun, alors Comment? j'ai cherché Hakoun. Hakoun! Hakoun! Alors, vous tapez. Non, mais tapez Hakoun dans Google, tout de suite, ça tombe. Rabbi Hakoun, machin truc. Le Rav Hakoun, ouais, le Rav Hakoun va vous parler de la symbolique du truc dans la Torah. Et je vous raconte pas, vous avez des cours de yeshiva sur YouTube, il y en a plein. Là, le Rav Hakoun, bon. Alors lui, il parlait de fiscalité. Oui, bon, bah, ça va pas vous étonner non plus, quoi. Donc, le juif est venu parler de ses sous. Ah, on crache trop d'argent en France, sale goy. Bon, voilà. Donc, il est venu dérouler là-dessus. Alors, donc, bon, Enthoven, Hakoun, j'enchaîne. Alors, en fait, vous découvrez au fur et à mesure que cet événement qui était censé donc remettre l'église au centre du village de la droite française, hein, en fait, se contente de placer, comme si ce n'était pas déjà fait d'ailleurs par des prédécesseurs illustres comme Jacques Chirac, de placer la synagogue au milieu du village. Et sitôt Enthoven descendu de l'estrade, voici que surgit Golnadel, qui est censé être le bon juif, le bon juif face au mauvais juif, quoi. Donc en fait, on découvre quoi ? C'est du pile-poule. C'est véritablement, au sens le plus strict du terme, un exercice de pile-poule. C'est-à-dire que tu as des rabbins qui discutent et qui s'affrontent sur la définition des termes devant des goy qui applaudissent. Alors, on peut trouver ça sur Internet, notamment sur l'engagement de Golnadel à l'égard de Marion Maréchal Le Pen. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Golnadel intervient comme ça ? Bon, on sait pourquoi. Enfin, je veux dire, Golnadel, c'est fascinant. Gilles William Golnadel, donc avocat qui a créé l'association, je raconte pas de bêtises, hein, Avocats sans frontières. C'est marrant quand même. Je veux dire, le type est à droite et tout, machin, à droite dure, islamophobe. Voilà, vraiment à fond, très très pro Benjamin Netanyahou, dont il est proche politiquement. Donc une défense du mur en Israël et tout. Le type crée une association Avocats sans frontières. Il n'y a pas de frontières finalement, vous voyez, enfin chez les goy quoi. Et cette association Avocats sans frontières, je le rappelle, a notamment poursuivi et fait condamner Henri de Lesquin. D'accord. Donc si jamais ou des gens comme Hervé Rissen, je crois. Mais en tout cas Henri de Lesquin. Donc voilà, bon. La droite patriote avec des gens comme Golnadel, voici ce qu'il dit en 2017. Donc c'est un journaliste du Monde qui cite Golnadel en discussion avec Enthoven à propos de Marion Maréchal Le Pen. Le papa de Marion travaillait pour le Mossad, donc pour moi ce sera elle. Ah, il a des critères très précis. Hein. Très précis, oui. Oui. Un patriote français donc. Oui, français, tout à fait français. Le patriote français Gilles William est très en cheville avec Benjamin Netanyahou. Ouais, c'est ce que. Donc le père de Marion, le père biologique de Marion Maréchal est Roger Hawke, dont la fiche Wikipédia est en ligne, et ça, c'est quelqu'un qui a écrit dans sa propre dans son autobiographie ses liens avec le Mossad, donc les services de renseignement israéliens. Il s'est vanté d'avoir été un agent d'Israël, notamment en vue de l'espionnage de la Syrie. Tiens. Comment dire, J. William Golnadel motive son choix sur Marion Maréchal comme ceci: c'est la fille d'un espion israélien. C'est-à-dire que les Juifs qui sont en apparence particulièrement antiracistes, ça ne vaut pas pour eux. Ils sont antiracistes pour les autres, mais ils sont pas antiracistes pour eux. Oui, c'est vrai. Non, alors, c'est alors que, surtout, ils professent l'antiracisme pour les autres. C'est ça. Alors, dans cet échange cité par un journaliste du Monde, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'entretient avec Raphaël Enthoven, donc le rabbi Enthoven qui supervise un petit peu, vous voyez, tout ce qui se passe en coulisses. En fait, Enthoven veut plus ou moins devenir le nouveau Bernard-Henri Lévy de la vie publique française, hein, ni plus ni moins, celui qui donne les tampons, quoi. D'ailleurs, il prend la même chemise. C'est simple. Donc, voilà, il veut s'imposer comme le véritable grand rabbin de France. Hein ? Et alors, ils discutent entre eux. Ils discutent entre eux, voilà. Ouais, mais alors pourquoi tu soutiens elle plutôt que l'autre ? Qu'est-ce que. Lui dit, elle, oui, parce que, voilà, elle fait partie de la maison. Enfin, parce que son père faisait partie de la maison, voilà. Bon. Alors, donc, c'est ça qui vient ensuite sur l'estrade, faire semblant de porter la contradiction à Enthoven. Et tout ça avec l'aval de Marion Maréchal devant les caméras, il y a les goy qui applaudissent comme des cons. Cette espèce de mise en scène sinistre organisée par les juifs, quoi. Je veux dire, c'est incroyable, un truc comme ça. Enfin, incroyable, oui. Qui veut... Je vous ai, prenez la parole, hein, n'hésitez pas. Hein. Là, on peut y aller peut-être sur Marion Maréchal Le Pen, notamment. Alors, peut-être sur elle. Je voulais remercier Démocratie Participative, parce que la filiation de Marion Maréchal, c'est un détail auquel je n'avais pas fait attention avant, et auquel je suis devenu attentif récemment, et c'est effectivement pas piquer des vers. Parce que Marion, elle a abandonné le nom Le Pen, mais son père officiel, Samuel Maréchal, à qui elle doit son nom, ça n'est pas son père. Elle n'a pas une goutte de sang de Samuel Maréchal. Et lui, il est littéralement un keuk. Sa femme, Yann Le Pen, s'est fait baiser par Roger Hawke. Et Samuel Maréchal a accepté de reconnaître Marion, qui n'est pas sa fille, mais qui porte son nom, pour avoir ses fonctions au FN, enfin pour continuer à manger à la gamelle FN. Et justement, quand Samuel Maréchal a divorcé de Yann Le Pen en 2007, il a perdu ses fonctions au Front National. Et après, il s'est remarié avec Cécile Houphouët-Boigny, arrière-petite-nièce de l'ex-président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, c'est-à-dire une négresse, hein, full négresse, et de la bourgeoisie africaine. Et apparemment, il a lancé des affaires avec des entreprises d'Abidjan avant de redivorcer, mais voilà quoi, c'est déjà un beau pédigré, espion du Mossad, keuk affairiste qui mange à tous les râteliers, y compris à l'Éther Nègre. Enfin bref, voilà quoi, on comprend effectivement que Golnadel ait choisi Marion Maréchal. Alors qui d'autre? Sur donc un voilà, enfin sur la mise en scène, par exemple, là, qu'est-ce qu'il y a comme... Il y a un truc assez drôle, c'est qu'ils ont fait, alors ils ont quand même fait venir, bon, il y avait pas que des juifs, ils ont fait venir aussi quelques valeurs sûres de la droite, en la personne de Paul-Marie Couteau, hein, oui, énarque, oui, énarque, oui, oui, oui. Et pas que, hein. Homosexuel, séropositif. Puis-je, mon cher Gandalf, citer ce passage? Un vrai patriote. Oui, ah oui, alors simplement avant que tu cites le, oui, parce que. Donc c'est un néo-gaulliste en fait, hein. C'est pas un gaulliste historique, et pour cause, mais c'est quelqu'un qui commence à se convertir au gaullisme, et peut-être pas qu'au gaullisme d'ailleurs. Mais il y a Pierrot qui va nous en dire plus, mais je tiens quand même à dire que c'est, puisque je parle de sida et d'homosexualité, c'est quand même Paul-Marie Couteau qui a transmis Philippot au Front National. Donc, oui. Et donc voilà, donc grâce auquel on a vu la gauchisation radicale qui n'a jamais été inversée depuis son départ. Je veux dire, il faut comprendre, hein, quand vous avez contracté le SIDA, c'est pour la vie, c'est pas voilà. Donc oui, Philippot est parti. C'est surtout pour la mort en fait. Hein, oui, c'est surtout pour la mort. C'est un rendez-vous pour la mort effectivement. Et le Marine Le Pen et le Front National n'ont jamais récusé les apports dégénératifs du tandem Philippot Couteau. Donc on a toujours évidemment l'adhésion en fait à peine avouée mais très réelle à l'homosexualisme militant, au LGBTisme dogmatique aussi bien sûr. Bon, à la reconnaissance de facto de l'antiracisme, etc. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est quand même grâce à Paul-Marie Couteau. Alors Pierrot, je te donne la parole maintenant pour nous parler donc de cet intervenant là qui a brillé de mille feux parce qu'il a tellement rendu de service que fatalement sa présence était logique, hein. Oui, alors c'est un petit article, ça vient pas d'un obscur canard d'extrême droite, je cite Le Point. Alors donc, la date, c'est sur... la date de l'article aussi pour être précis. Oui, alors la date c'est le 02/05/2017, ok, et donc ça parle de la conversion, hein, de Paul-Marie Couteau au gaullisme, je cite. L'intellectuel à lunettes rondes, donc Paul-Marie Couteau, se plaît à raconter comment il a ressenti l'appel du gaullisme. Dans une boîte de nuit gay, où il découvre au petit matin, sur une banquette, un livre utilisé pour cacher des sachets de drogue. Paul-Marie Couteau lui rend son utilité première et le lit. Voilà. Fantastique. Donc il est venu... c'est pas précisé l'année, c'est en 2007 ? C'est... Non, c'est pas précisé l'année, je vais essayer de retrouver ça. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Qui veut m'en parler de ça, de cette... trouver De Gaulle dans une backroom à Sodomite. Non, mais je sais pas, hein, je veux dire, bon... Florent Philippot l'a trouvé, je pense, dans une même occasion, hein, c'est pas possible. Bah, peut-être l'ont-ils trouvé ensemble, c'est peut-être le non-dit de l'histoire. Ah. Non, je crois que cet épisode-là datait de sa jeunesse à Paul-Marie Couteau. Ouais. C'est-à-dire que c'est à très longtemps pour le coup. Ah, d'accord. Peut-être du vivant de De Gaulle alors. Oui, oui, du Napoléon III peut-être. Alors. C'est l'extrême droite, quoi. C'est l'extrême droite française la plus radicale là. Je veux dire, là, on était en pleine refondation du Parti national-socialiste. C'est tout à fait évident. Non, mais bon, moi j'ai jamais été un gaulliste, hein, c'est très certain. Hein. Même franchement à l'opposé. Mais bizarrement, je ne suis pas très étonné de voir le gaullisme converger avec le sida. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Mais bon, voilà, c'est bon. Alors oui, alors par contre il y a eu un bug, ça c'est marrant quand même, ça c'est un peu le, c'est un peu le, la farce, le gorafi de cette conversion hein, de la droite. Il prend la parole, et alors ici il fait une longue digression réactionnaire quoi. Bon comme ils aiment en faire, parce qu'on est, bon, on aime quand même bien se masturber intellectuellement pour pas grand chose en plus. C'est vraiment la montagne qui accouche d'une souris en général, la masturbation intellectuelle. Dans ces cercles-là. Alors, et puis, alors, il lance une phrase, vous savez, des phrases un peu choc, reprise goulûment par, hein, sur Twitter, par Paul-Marie Couteau, et le compte Twitter officiel de la conversion de la droite, convention de la droite, trouvez ça sur Twitter, le nazisme et la modernité totale. Tandis, c'est vraiment... c'est le futurisme triomphant, etc. Quelle horreur! Et je pense qu'il dresse aussi une accusation en filigrane, et c'est un petit peu, permanent, à la fois avec l'incorrect, enfin, tous les créatures cathoïdes, j'ai envie de dire. Il y a une critique permanente du transhumanisme. Bon, on est en train de se faire submerger de créatures du tiers-monde, des nègres, camés, partout. Mais eux, ils sont obsédés par un truc, c'est les robots. Et éventuellement, 2-3 manipulations génétiques quelque part dans la banlieue de Pékin, dans un laboratoire, bon bref. Donc ça, ils sont obsédés par ça. Et en fait, il y a une espèce de réduction ad hitlerum de toute utilisation des biotechnologies. Donc voilà, en gros, ce qu'ils veulent dire, biotechnologie égale Dr Mengele, égale antisémitisme, égale Troisième Reich, égale fils de pute... Gardons nos nègres pour redresser notre démographie passablement en berne. Voilà. Et alors il sort ce truc-là, donc le nazisme et la modernité totale. Et du coup, c'est un serment d'antinazisme, quoi. Hein, c'est un serment d'antifascisme. Et alors là, le problème, c'est que ça n'a pas du tout été compris comme ça par le grand public, qui a réagi avec virulence sur les réseaux sociaux. Puisque en fait, ils ont compris ça. Là, j'ai Musulman H24 qui décrit apologie du nazisme, islamophobie, xénophobie, incitation à la haine. Les instances antiracistes comptent faire leur travail ou comptent-elles laisser faire du moment qu'elles touchent leurs subventions. Voilà, ça c'est Musulman H24. Mais il y a pas que lui, hein. J'ai vu des membres du Parti communiste ode au nazisme à la convention de la droite. Ça c'est un autre truc, babouchka. Etc, etc, enfin tout est sur le même ton. Il y a des appels, alors vous savez, on peut taguer, faire des interpeller sur Twitter, là il y a Place Beauvau, Castaner, intervenez vite, la LICRA, qu'est-ce que vous faites, il faut saisir en urgence le procureur, etc. Est-ce que vous voulez m'en parler de ce truc absolument grotesque, cocasse, tragicomique, oui. Parce que c'est génial quoi. Ah oui, parce que bon, il faut savoir quand même que c'est chez les gens, chez les bourgeois parisiens de l'incorrect et autres, tu vois, une espèce de mode à l'anti-modernisme qui se résume à poster des photos sur Facebook en noir et blanc pour dire Revolt against the modest world. Tu vois, ça parle en anglais, ça, c'est très bien, tu vois, c'est edgy, c'est super, tu vois, c'est génial. Tout ça pour dire c'était mieux avant, quoi, en gros. Oui, ça pour dire, je me soumets, comme dirait Henri de Lesquen, au cosmopolitisme incorrect en parlant anglais, et je fous des photos en noir et blanc parce que je suis d'une fiotte. Bon, ouais, c'est très bien. Et puis, donc, ça, donc, bon, il y a cet environnement-là qui est dans l'esprit de tous ces gogoles. Et là, Paris Sida arrive. Et il dit oui, non, mais du coup, le modernisme, c'est pas bien. Et le summum du modernisme, c'est le national-socialisme. Donc là, tu as toute l'audience. Ah, c'est merveilleux! Le national-socialisme, Adolf Hitler, terrible! Ah, horrible! Voilà, donc modernisme, horrible, Adolf Hitler. T'en arrives là. Bon, Renaud Camus a fait la même chose il y a 6 mois. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez avec. Oui, avec Fiorina, avec Fiorina Ligny. Avec la petite Fiorina... qui a perdu un œil dans la répression... Voilà. La petite Fiorina qui avait perdu un œil par les agressions policières de la milice de Macron. Hein. Donc, cette petite là avait fait une photo potache, bon, entre amis, sur la plage, etc. Et donc, cette ignoble pute de. De Rondo Camus, encore une fois, encore un homosexuel. Oui. Oh. Alors, laisse-moi développer ma théorie. Je vais évoquer quelque chose. Ouais. C'est-à-dire, bon, cet ignoble putain sodomite de Rondo Camus dénonçait le taylorisme. C'était quoi la formule? Le taylorisme fordien, génocidaire. Ah voilà. Voilà. Donc, entre Paul Marie Sida et Renaud Camus, moi je visualise. Bah, moi je visualise l'anus et le juif. Hein. Oui, c'est-à-dire l'espèce d'anus totalement détruit par une masse d'armes, hein, une masse d'armes tout droit sortie du Moyen-Âge. Qui entrave le raisonnement commun, hein, aux êtres humains que nous sommes. Mais oui, donc voilà, il y a ce tronc commun, hein, ce tronc, appelons-le, peut-être l'appelleront-ils autrement, hein, mais le sida a, semble-t-il, des effets secondaires insoupçonnés. Jusqu'alors. Oui, je voulais rajouter quelque chose. C'est que là, il y a un précédent par rapport à l'affaire Paul-Marie Couteau où il a voulu dénoncer le nazisme, ce qui est très original d'ailleurs, et les gens croient qu'en fait, il est super méga nazi. Il y avait un truc approchant qui s'était passé il y a quelques années. C'était dans une vidéo que Soral avait faite, c'était l'interview qu'il avait faite avec Fluctuate, où à un moment, pour dénoncer les animateurs de Canal+, enfin une de ses cibles favorites, il avait dit « Oui, les animateurs de Canal+, c'est les juifs ». Leur garde du corps, c'est systématiquement des noirs. Ils vont toujours embaucher des noirs pour s'en servir comme bouclier humain. Il y a une division raciale du travail qui les gêne pas. Donc Soral avait fait son antiraciste, sauf que tout le monde n'avait pas compris ça comme ça. Il y avait des gens qui avaient vu là-dedans une démonstration de racisme et qui avaient commencé à dire « Ouais, Soral parle de division raciale du travail, c'est un raciste, c'est un nazi, vous voyez, il est d'extrême droite. » Et là, c'est parce que ces gens qui sont dans les petits milieux, les petits ghettos bourgeois parisiens, faf, etc., sont coupés du réel. Et le réel en France, bah, c'est que les gens, beaucoup de gens déjà sont stupides, et beaucoup de gens ont le cerveau lavé par les juifs, donc sont forcément de gauche, et voient toujours la droite comme suspecte de nazisme, racisme, etc. Donc là, on a Paul-Marie Couteau qui évolue dans son petit monde, qui veut la jouer anti-moderniste, heideggerot, guénonien, évolien, machin, qui fait un truc où il y a la modernité, et là, pour tous les gens, enfin, tous les crétins qui parlent sur lui, pour eux, moderne, c'est forcément positif. Donc les mecs se posent pas de questions, ils sont là, moderne égale bien, donc Paul-Marie Couteau égale nazi. Quoi. Il y a une espèce de conflagration entre le bas QI de tous ces commentateurs et le ghetto bourgeois faf parisien. Quoi. C'est assez drôle. Alors, oui, je crois pas que ce soit tellement le ghetto faf. Hein. Là, c'est plutôt le ghetto... ghetto bourgeois, là. Hein. Ouais, ghetto bourgeois, ouais. Oui. Ouais, là, bourgeois droitard, poseur. Ouais, bourgeois droitard, c'est ça, tout à fait, oui. Oui. Ce qui explique en partie d'ailleurs la réaction de ces gens, on a déjà parlé dans l'émission, hein. Pourquoi est-ce que ces gens finalement ils se rangent derrière le politiquement correct? C'est tout simplement parce qu'ils ont tellement de pognon qu'ils savent plus quoi en foutre et surtout ils veulent le garder. Donc eux ils sont pour les petits arrangements, les petits compromis où en fait bon, on garde les Arabes du moment qu'ils se tiennent bien, on garde les nègres pour les mêmes raisons, on leur apprend le français, on les éduque, et, mais on peut pas compter sur eux pour prendre des risques en fait, parce que leur la couleur politique finalement c'est juste la couleur de leur portefeuille, ça s'arrête là. Tout à fait. Alors vous avez enfin, on va en terminer peut-être avec cette conversion de la droite, la présence de cette fameuse négresse Candace Owens, qui est une femme noire américaine, une commentatrice conservatrice dont tout le fonds de commerce consiste à essayer de vendre aux blancs le nègre magique à grande échelle, en fait, hein. C'est-à-dire que, oh, pour peu qu'on sache bien leur parler, les nègres vont devenir intelligents et vont voter à droite. En gros, hein. Et donc, bon, elle fait ça aux États-Unis, et ça fait un tabac, bah, précisons toujours, auprès de des boomers, ouais. Oui, des boomers, il y a une question générationnelle, mais il y a aussi la bourgeoisie contaminée d'antifascisme, la bourgeoisie blanche contaminée d'antifascisme qui sert en permanence à essayer de donner des gages au système pour se faire accepter. Ouais, c'est le bolos qui essaye de, ouais, de rentrer dans le rang posé par les juifs, quoi. Et donc ils disent, non, on n'est pas raciste, la preuve, regardez, regardez, elle le dit elle-même, ouais, c'est une femme noire, regardez. Alors, hey, vous pouvez toucher là, elle est vraiment noire, hein. Voilà, regardez, alors parle maintenant, dis. Eh ben voilà, vous avez vu, elle dit comme nous, elle dit, voilà, les noirs peuvent voter à droite, voilà. Alors évidemment non, vous prenez les statistiques raciales du vote aux États-Unis, car à la différence de la France, les États-Unis les publient, tout ce qu'il y a de plus officiellement, par la voix du gouvernement fédéral et par quantité d'instituts, tous les votes sont disponibles. Vous m'entendez, 90% des noirs aux États-Unis votent à gauche. Ils sont peut-être stupides, mais pas assez stupides pour voter pour la fin de la subvention de leur fainéantise. Donc eux, ils veulent que le pognon des blancs continue à pleuvoir sur leur compte bancaire, n'est-ce pas, pour pouvoir se camer, zoner, foutre tout en l'air comme ils font d'habitude. C'est ce qu'ils font aux États-Unis, et ça n'existe pas. Il n'y a pas de vote de droite nègre aux États-Unis. C'est juste inexistant. C'est complètement inexistant. Par contre, ce qui est très réel et qui existe, c'est que cette négresse a trouvé un créneau pour exister médiatiquement et remplir son propre compte en banque en vendant à des gogos blancs aux États-Unis, ce nègre magique, ce canard à cinq pattes qui n'existe pas, qui est l'électeur de droite de nègre, quoi. Alors le problème que j'y vois, moi, c'est que la concession idéologique que ça implique d'exhiber ce genre de négresse, c'est de ratifier l'antiracisme. Ça consiste à dire, voilà, nous ratifions l'antiracisme, notre motivation n'est pas la défense de notre groupe racial, c'est la défense d'idéaux, de trucs, bon, de conceptions abstraites, etc. Bon, voilà. Et la preuve, regardez cette belle négresse, elle nous dit la même chose, voilà. Sauf que, concrètement, vous êtes censé gagner quelque chose en échange, ok? Tout est échange, tout est négociation. Si vous faites une telle concession, une concession aussi énorme, bah, à côté de ça, vous devez avoir des gains considérables. Or, qu'est-ce que vous gagnez à côté de ça? Des électeurs qui n'existent pas. Parce qu'il n'y a pas d'électeurs nègres de droite, ça n'existe pas. Ils ne vous font pas gagner les élections, ni aux États-Unis ni ailleurs. Ils ne vous font pas gagner les élections. Donc vous consentez à l'antiracisme, voilà. C'est fait spectaculairement, comme ici, donc lors de cette convention, voilà, vous le mettez en scène, vous faites venir même carrément des négresses d'outre-Atlantique pour le faire, donc ça n'échappe à personne. Et concrètement, alors, quelle est la conversion? Quelle est la finalité hypothétique de cet exercice? C'est censé que les nègres de banlieue votent Marion Maréchal. C'est grotesque. Alors, non, ce n'est pas grotesque, cher Gandalf, puisque c'est exactement ce que professe la négresse magique rapatriée des États-Unis, Candace Owens. C'est ce qu'elle professe. Oui, c'est ce qu'elle dit, mais je veux dire, en réalité... Ah oui, non, mais ça n'a aucun rapport avec la réalité, nous sommes d'accord. Voilà, alors du coup... Ah mais moi, non, mais est-ce que tu me permets de rappeler, si tu veux, à nos auditeurs... Oui, vas-y. Parce que bon, ça n'est pas... c'est très peu su, si tu veux, en France. On la connaissait ni d'Ève ni d'Adam, en fait, hein. Oui, non, moi, je la connais quand même depuis un petit moment, si tu veux. Bon, mais ça, bon, il y a une année à peu près, si tu veux, elle a visité une prison avec des nègres dedans, tu vois. Ouais. Et elle avait déclaré, donc, sur Twitter, qu'après avoir visité des installations et avoir parlé avec des détenus qui étaient donc internés, elle sentait passionnément, de manière passionnelle, hein, donc. Le fait que si ces gens-là pouvaient voter, ils voteraient indubitablement contre la gauche. Oui. Contre la gauche. Voilà. Hein. Donc, oui, les violeurs nègres, les dealers nègres, ils voteraient à droite. Hein. Voilà. Donc, c'est pour la peine de mort, au moins. Elle avait déclaré ça en 2018. On ne sait pas trop ce que ça a donné depuis. Elle a dû se cacher, je ne sais pas. Ça n'a rien donné, hein. Mais voilà, c'est-à-dire que cette négresse-là vous explique que les nègres sont victimes du libéralisme. C'est-à-dire que bon, on peut reprocher beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils sont victimes du libéralisme au sens anglo-saxon. Du liberal, tu vois. De la gauche, d'accord. Alors, il faut quand même rappeler à nos auditeurs que depuis, je sais pas, peut-être 70 ans, le taux de population nègre aux États-Unis n'a quasiment pas évolué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'augmentation de population nègre en proportion aux États-Unis. C'est-à-dire que les nègres ont évolué autant que les blancs. Il y a 13% de nègres en 2019, comme il y avait 13% de nègres en 1930. Hein, non, mais c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez merveilleux pour nous qui voyons les nègres se multiplier comme des pins. C'est quelque chose que nous devons nous inspirer. Mais donc, tu as là cette négresse de droite qui arrive supervisée par Marion Maréchal pour te dire que non, attention, ce système-là, ça n'est pas bon pour les nègres, qu'il faut Oui, être droite, parce si tu que veux. tu veux dire, parce qu'il y a une sur d'après elle, il y a une surincarcération des nègres et que seule la droite peut régler le problème de la Oui, surincarcération des nègres, c'est ce que tu veux dire. incarcération et je pense peut-être avortement aussi. Ouais, Mais d'accord, ouais. chers auditeurs, bon, qui pouvaient peut-être être charmés par cet animal qui fait waf waf, cette négresse-là joue pour sa tribu. Hein, elle veut la prolifération des siens. Bon, elle est moins con, si tu veux, que les nègres habituels qui vont voter démocrate et compagnie pour que le système en place continue de faire son œuvre. Mais c'est-à-dire que cette négresse-là est en train de. Enfin, bon, déjà, elle veut que les nègres qui votent déjà à 80% de démocrates se disent bon, mais ça serait bien que ces gens-là ont vocation à voter républicain. Ça me rappelle un certain monsieur Soral qui avait déclaré que les musulmans avaient vocation à voter Front National. Hein. Ah bah pour le coup aujourd'hui ça Oui. paraît être tout à fait possible, effectivement. Je crois qu'aujourd'hui, sous la direction de Marine Le Pen, qui quand même Non, je pense est... pas. Pour le coup, Ah c'est si, quelqu'un qui a eu. parce qu'elle est... Non. Écoute, moi j'ai vu son déplacement à Mayotte, j'ai rarement vu des politiciens français embrasser avec autant de passion Alors je. des caddies. Alors bon, moi je veux Alors. bien tout ce qu'on veut. Non, mais je veux bien, Charles Gandalf, que. Non, mais je veux Non, dire, mais je veux bien elle que. les touche, elle touche les autorités musulmanes constituées de Mayotte avec une passion que je ne retrouve nulle part ailleurs. Alors, oui, je crois Non, mais je veux bien, qu'aujourd'hui, Charles les... Gandalf, que tu. Je veux bien qu'il y ait des compromissions entre Marine Le Pen et des autorités C'est de négro-comoriennes. l'amour, c'est de l'amour, c'est de Oui, non, l'amour. c'est de l'amour, je pense, sincère. Écoute, C'est ça écoute, qui est bon. écoute, C'est ça qui est Marion malheureux va... parce que Marine Le Pen est une bretonne aussi, hein, Ah faut le dire. oui, c'est vrai, mais Non, pour le coup. Marine Le Pen va en vacances à la Trinité-sur-Mer, je sais pas, pour se balader dans le village, je ne sais, etc. Mais elle n'a pas de contact avec cette région, ça ne l'intéresse pas. En revanche, elle Les brûle caddies, ouais, les d'une caddies. passion sincère pour tout ce qui comporte des nègres et des noix de coco. Enfin, franchement, c'est Ah ben, clair. la mort de l'incapable a encore prouvé Oui, on va en ça, parler. quoi. Alors, ceci étant dit, j'aimerais qu'on en termine avec cette convention de la droite, simplement pour dire ceci, hein. Donc, évidemment, au plan électoral, cette stupidité-là du vote nègre, bon, ne tient pas la route. Et non, non, non, et non, il n'existe pas de nègre, enfin, de vote nègre de masse, etc. Bon, ça, c'est des lubies de Et laboratoire, ça n'existe heureusement, pas. heureusement d'ailleurs. Ouais, mais surtout, c'est pas parce qu'ils font cette concession qu'elle n'a pas de sens. Donc, elle n'a pas de sens au plan électoral pour les blancs. En revanche, pour la petite clique bourgeoise impliquée autour de Marion Maréchal, ça a du sens. Ça consiste à donner aux Juifs ce qu'ils veulent, à savoir la promesse, dans le cadre d'un pacte, la promesse de ne pas défendre les Blancs. Toute promesse antiraciste suppose un désarmement racial des Blancs. Et c'est ça le deal. On vous laisse faire votre petite soupe, on vous donne même de la visibilité médiatique, formidable, vous allez remplir vos coffres, vous allez même peut-être avoir une petite carrière politique à la marge de la vie politique de la Ve République. Ouais, pourquoi pas? Tant que vous nous donnez cette concession fondamentale, donc je reviens à Eindhoven au départ, votre pays est un pays de salauds parce qu'il a osé se rebeller, du moins les Juifs l'allèguent-ils, contre le pouvoir juif établi entre 40 et 44. Voilà. Et vous refusez catégoriquement de défendre votre tribu, Et si vous acceptez de ramper, à ce moment-là, pourquoi pas? Voilà. Et les critères sont remplis. Et là, ça a du sens. Là, ça a du sens, cette intervention de Négresse venue de nulle part. Voilà. Ça, ça a du sens. Et je pense que c'est tout l'esprit de ce truc, de cet événement. C'est un pacte avec le diable hébraïque. C'est un pacte avec le diable hébraïque. Ni plus, ni moins. Tout y est. Et comme par hasard, c'est une greluche de 30 ans qui fait le boulot. Voilà. Voilà où on est, puisque c'est eux qui s'appellent la droite française, c'est eux qui lancent une OPA sur ce terme. Bon, bah très bien. Donc ils s'appellent la droite française. Donc c'est là où en est la droite française. Bon, on peut constater quand même la chute effrayante du niveau moyen en France. Hein, je veux dire, c'est ça aujourd'hui la vie publique française et la vie politique française. C'est ça. On l'a devant nous. Quoi. Voilà. Voilà ce que je voulais en dire. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose, et on passe au deuxième point de notre discussion de cette semaine. Oui, juste sur la fameuse Négresse à face d'Ewok, oui, c'est effectivement un pacte avec le diable hébraïque, mais c'est quand même un peu la faute des normies aussi, parce que les normies restent, pour beaucoup, conditionnées par l'antiracisme, donc la droite est toujours suspecte, y compris de vouloir défendre la race blanche, un péché majeur. Du coup, avoir un bon métèque de Farid Smaï à Candace Owens, c'est un moyen de court-circuiter un petit peu cette espèce de blocage et de dire « Non mais tu vois, on est quand même acceptable du point de vue de l'antiracisme, on a nos bons métèques » et ça rend les normies un petit peu moins hostiles et un peu moins difficiles à vivre. Donc beaucoup de gens sont quand même un peu responsables aussi, même s'ils sont évidemment juivés, mais voilà quoi, les gens participent à ça. Alors par contre, il y a un truc là, parce que bon, là, je vais me faire un peu je vais pas me faire l'avocat du diable, mais je vais un petit peu utiliser la rhétorique qu'ils utilisent, puisqu'après tout, ils se veulent tous souverainistes ou gaullistes ou je ne sais quoi, conservateurs, j'ai jamais entendu ça, qui est un non-clivage en France. Il n'y a pas de conservatisme en France, ça n'existe pas. On peut décrire des choses qui sont, on peut dire de tel ou tel, il est conservateur, mais en tant que clivage politique, ça n'existe pas en France. Enfin, je veux dire, au niveau de la science politique, il n'y a pas de conservatisme en France, ça n'existe pas. C'est un courant. Ça existe aux USA, mais pas chez nous, effectivement. Bah voilà, ça existe. Qui veut quelque chose en plus? Rajouter quelque chose en plus? Non, pas spécialement. Bon, c'est vrai qu'on on a quand même copieusement tiré sur le convoi. Bon, l'avenir nous dira si c'est une ambulance ou pas, mais enfin bon, ça... Est-ce que j'ai envie... On peut peut-être simplement donner un... Est-ce que d'après vous, je pose la question là, moi j'ai mon sentiment, mais d'après vous, est-ce que ça va aller quelque part ce truc? Je pense que c'est un bel effet de com' temporaire, et ça va peut-être servir à Marion Maréchal pour se positionner un peu plus sur l'échiquier politique, parce qu'elle est complètement absente, et puis elle n'a pas de structure derrière elle pour pouvoir peser au cas où elle est vraiment en concurrence pour la présidence du Rassemblement National contre Marine Le Pen, chose dont je doute hein, personnellement, mais bon. C'est ce que les médias disent, mais bon, des fois, vous savez, les médias... Mais non, je pense que ça va pas aller... ça a servi des petits intérêts particuliers de gens qui voulaient se faire connaître. Paul-Marie Couture, on n'entend jamais parler de lui, du coup, il est content, il aura son article dans les médias. Et puis, Zemmour pouvait un peu faire le coq, et puis Marion a eu sa petite place, voilà. Je pense que ça ira pas plus loin que ça. Je pense que Marine Le Pen n'est pas inquiète du tout de cette compétition, si jamais il y en a une. Parce que elle a l'appareil d'État, qu'elle a soigneusement épuré et que des fidèles derrière elle. Donc je pense que ça va changer. Non, pas l'appareil d'État, mais le parti, tu veux dire. Le parti, excuse-moi, bien sûr. Oui. Le parti, bon, ça, je vais un petit peu détonner par rapport à ce que dit Samuel Pierrot. Mais le Rassemblement National, le Front National, en 2019, ce qu'il en reste, c'est très, très, très léger. Très, très, très léger, c'est très extrêmement volatile. Ce sont des gens qui, il y a deux ans, idolâtraient Marion Maréchal et maintenant ne savent même plus qu'elle existe. De même pour Philippe, d'ailleurs. Oui, encore plus pour Philippe, d'ailleurs, hein, qui était vice-président, d'ailleurs. Mais ce machin-là, si tu veux. Va truster 22-23% des opinions de vote. Mais il n'y a rien derrière. C'est vrai que le parti n'a jamais été aussi vide qu'aujourd'hui. Vraiment, il n'y a plus rien. Il n'y a ni Marion la pute, ni Philippe la fiotte. Ouais, t'as l'espèce de gros séfarade derrière qui est récemment séparé Ouais. de marine, donc Louis Alliot. Enfin, il y a ça, quoi. C'est rien. Comme les Juifs aiment à le rappeler, c'est-à-dire que c'est une terre qui n'appartient à personne. Hein. C'est le machin qui, hein, c'est le machin des Goïms, quoi. Bon. Marion essaye de faire son trou. L'espèce de reliquat de droite, de centre. Bah, ils vont chez Macron mécaniquement, hein. Ouais, ils vont chez Macron, Je pense que déjà, c'est, déjà. je pense que ça va se clarifier au municipal, en fait, le passage chez Macron. Ouais, non, mais déjà, si tu veux, bon, le ténière là qui a organisé Ah le marché avec Marion, oui. il sent quand même très très fort le Paul Marie Couteau. Si veux, ça sent quand même Bah, très si tu veux, fort c'est le. quelqu'un. Oui, alors Tegnier, on va en parler rapidement. C'est quand même quelqu'un qui était, je crois. Bon, je crois qu'il s'était rallié à Fillon parce qu'il avait gagné la primaire, mais avant, qui était. Avec une obscure greluche, etc. C'était quelqu'un qui appelait à battre le Front National. Bon, soudainement, maintenant, ah oui, il a vu la lumière. Non, il n'a pas vu la lumière. C'est qu'il s'est dit, il y a un créneau à prendre, faut l'exploiter, etc. Donc il pousse à fond. Tous ces types qui sortent tous ces types qui sortent des grandes écoles sont des carriéristes, si vous voulez, ce sont des fonctionnaires dans l'âme, si vous voulez. Donc ils cherchent des fonctions. Fonctionnaires cherchent une fonction. Et pour eux, si vous voulez, parce que c'est ça le drame, ensuite on parle de Chirac. C'est ça le drame, c'est qu'aujourd'hui la vie politique française est gérée par des technocrates, donc des bureaucrates. Et il est logique pour un bureaucrate de faire aussi de la politique, enfin en tout cas à un certain niveau. Bon, tous ne font pas de la politique, mais un certain nombre en font. Et donc vous avez des mecs qui veulent briller. Voilà, ils veulent briller, pourquoi? Ben, ils veulent des fonctions, ils veulent des cérémonies, ils veulent des gonzesses, ils veulent des couvertures médiatiques, etc. Donc ils poussent, ils forcent, ils essayent de percer, quoi. Et le problème, c'est que ces gens-là, ils ne sont pas dans une logique de service et de sacrifice, ça les intéresse pas. Ils sont là pour bâtir des carrières et en bouffer. Accessoirement, ils n'aiment pas les bougnoules. Mais bon, ils s'en arrangent. Voilà. Mais c'est tout. Attendez, mais je sais très bien, hein, que c'est pas la fonction de c'est pas la fonction de ces gens-là. Ces gens, ils s'en foutent, c'est pas ce qui les intéresse. Ces gens-là, ils parlent, à un moment donné, il y a Marion Maréchal qui dit, on veut conquérir le pouvoir, etc. Mais. Ouais, bon. Bon, déjà, d'une part, on va pas quand même donner la présidence de la République à une greluche de 30 ans, soyons sérieux. Je veux dire, aussi foireux que soit Macron, il sera toujours plus fonctionnel dans cette fonction que cette greluche. Enfin, faut quand même voir clair 5 minutes. Je veux dire. De toute façon, je veux dire, sauf exception, un mec sera toujours plus efficace qu'une nana. Alors, sauf si vous me sortez une femme à poigne, ouais, comme on en trouve une tous les siècles, bon, il me faudra me la trouver, hein. Bon, alors, en attendant qu'on trouve la mère Thatcher sous un sabot de cheval quelque part en Auvergne, non, non, non, non, non. Les gens dorment debout. Voilà. Je sais pas, alors, je comprends, hein, à défaut de grive, on mange des merdes. Bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu tout ce qui motive tout ça. C'est que tout le monde sait que c'est naze, très largement surfait. Vous y ajoutez la misère sexuelle ambiante. Et on se met à fantasmer le retour de Jeanne d'Arc. Bon. Le problème, cher Gandalf, c'est que bon, là, nous ne parlons plus de merle, mais de carpe farcie. C'est certain, effectivement. Le guelfi t'affiche. Alors, messieurs, parlons un petit peu donc de. Oui, alors la France est en deuil. La France est en deuil, Voilà, oui. et les Français sont en deuil. Là, il faut aussi être très clair. Et regarder la réalité en face et ne pas faire semblant de ne pas voir ce qui est gros comme le nez au milieu de la figure. 80% des Français ont dit, selon un sondage, que ils sont tristes après la perte de Jacques Chirac, 86 ans, président de la République de 1995 à 2007, pendant 12 ans, et qu'ils considèrent que c'était un bon président. Et parmi les raisons qui motivent ce jugement, le fait, pour 90% d'entre eux, qu'il était sympathique. Alors, bon, la perte de Jacques Chirac, le traitement médiatique, bon, assez prévisible, je ne vais pas non plus m'étonner de voir la presse d'État en France agir comme elle agit, mais donc les réactions, et ensuite Chirac lui-même. Alors, pourquoi, en guise de point pivot, je dirais ça. Alors, on a dressé le portrait là de la droite française. Bon, Chirac a incarné la droite française quand même pendant longtemps, hein, quand même pendant longtemps, pendant depuis l'éviction de Giscard, donc on va dire 81, donc début des années 80, jusqu'à l'avènement de Sarkozy au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire bon, quand même une bonne vingtaine d'années, si ce n'est 25 ans. Donc pendant environ 25 ans, un quart de siècle, ce qu'on a appelé la droite française, donc essentiellement dirigée par le parti gaulliste, a été incarné par Jacques Chirac. Et d'autres grandes figures qui l'ont accompagné. Bon, alors, je suis pas gaulliste, hein. Je n'ai pas d'affection particulière pour le RPR, mais, quand on regarde l'état des partis de gouvernement dits de droite, hein, notamment des Républicains, quand on regarde l'état des intervenants, la qualité des intervenants, ce qui me fait très peur, c'est que Jacques Chirac des années 80 aurait pris la parole à cette conversion de la droite. Conversion. il serait passé pour un type d'un très haut niveau. C'est effrayant, c'est-à-dire Jacques Chirac qui passait pour quasiment le gaffeur, pas sérieux, qui fait de la politique ostensiblement pour s'en mettre plein les fouilles, etc. Je suis désolé, vous le mettez à côté des clowns qu'on a vus, c'est un niveau très au-dessus. Et je ne parle pas des autres. Hein. Donc on le voit, il y a une déliquescence, une déchéance de la vie publique française et de la qualité du personnel politique effrayante, à tel point qu'on peut la mesurer d'année en année. Alors maintenant, je vous donne la parole. Hein. Alors sur Chirac, peut-être sur le traitement médiatique, etc. Je pense qu'on va en parler de son bilan. Voilà, allez-y. Qui veut parler ? Ouais, je me risque. Alors, Chirac, apparemment, il est sympa. Et donc, vu que les Français sont comme des veaux, selon la formule, hein, donc ça suffit. Il est sympa, fin de l'histoire. Bon. Chirac, qui est excellent quand il s'agit de. Pour la conquête du pouvoir, il est hyper agressif. Et une fois qu'il a son pouvoir, bah, du coup, après, on n'entend plus parler de lui. Donc, il a fait deux mandats, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ouais. Il a bouffé à tous les râteliers, on peut le dire. Hein, comme tu l'as dit aussi, Gandalf, il était intéressé par... il a bouffé, ça c'est vrai. Hein. Par la carrière, le pognon, mais c'est un homme qui n'a... Chirac n'a pas d'idée. Il n'a jamais eu d'idée, ce type. C'est pas qu'il a eu de mauvaises idées, c'est qu'il n'a pas eu d'idée. Et il est tellement creux, si vous voulez, en fait... J'ai du mal à vous dire toute la honte quand même qu'on peut éprouver sur. On a quand même eu dans l'histoire de France, pourtant je suis pas un souverainiste, ça c'est sûr, mais quand même des grands noms, des grands personnages, et on est quand même passé de grands noms à Chirac, ça fait quand même peur, et maintenant c'est devenu apparemment le plus grand président de toute la Ve République, le plus aimé des Français, bon, voilà. Alors maintenant on doit, parce que c'est la formule aussi, hein, présenter nos hommages, nos respects au décès de cet illustre personnage. Personnellement, je ne veux pas cracher sur une tombe, mais il faudrait quand même reconnaître que si on est dans la merde aujourd'hui, c'est aussi un peu grâce à cause plutôt de ce genre de type extrêmement creux, qui sont finalement juste la conséquence de la démocratie, quoi, de la plutocratie, qui est juste la sélection d'intérêts particuliers pour des mandats courts, où finalement les mecs doivent... faire des promesses et briller pour atteindre des petits mandats, et puis c'est tout, quoi. Finalement, c'est la suite logique de la défaite de 1945, quoi. Voilà. C'est mon sentiment global. Je passe même pas du personnage en particulier sur Chirac, parce que, bon, déjà, vous allez le faire. Moi, je voulais mettre un petit avis différent là-dessus. Finalement, c'est... L'image globale, c'est ça, c'est la conséquence de la démocratie, de la République, bah voilà, c'est ça, à la fin, c'est on a Chirac, quoi. On n'a que ce qu'on mérite, finalement. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais. Oui, alors, oui. Juste... Ouais, Titus, vas-y. Tu voulais... Disons que je voulais... parce qu'on peut parler du bilan, mais après, disons qu'au plan psychologique, la réaction des gens, moi, je la vois comme ça. Disons que... En fait, je pense qu'il y a... En fait... Comment dire, les gens, on peut poser n'importe quelle question. Si on tourne selon la façon dont on tourne la question, on aura un certain type de réponse. Bon. Donc les gens disent c'était un bon président. En fait, je pense que ce qui se passe, c'est que simplement les gens sont simplement nostalgiques. Donc les gens, ils associent une période où ils pensent que c'était mieux au président du moment. Alors que moi, je me rappelle très bien quand Chirac a quitté le pouvoir, la dernière année C'était catastrophique. C'était catastrophique. Enfin, je veux dire, tout le monde n'en pouvait plus du type, parce que il faut quand même comprendre que ce qui s'est passé avec Chirac, c'est qu'il a été président pendant 12 ans. Il a été un non-président. Un non-président. Tous ceux qui ont connu cette époque s'en rappelleront nécessairement. C'est-à-dire que rien. C'était les prises de parole qui se voulaient monarchiques, c'est-à-dire copiées sur De Gaulle, donc assez rare, assez espacé. Pas du tout comme aujourd'hui, où vous avez le président, il est partout, les mecs sont avec leur téléphone portable, ils le filment, ils touchent tout le monde, ils réagissent à brûle pour point sur le dernier commentaire, etc. Ça n'était pas du tout comme ça. Lui, c'était un mec à l'ancienne qui essayait de faire vivre un petit peu la 5ème République telle que l'avait pensé De Gaulle. Donc, c'est des prises de parole très espacées. Donc, en fait, en France, on avait un peu l'impression d'un type qui était invisible. Il était là, mais on le voyait jamais. Il était dans son palais. Et des fois, il prenait la parole pour essayer d'être un peu majestueux, voulant essayer de prendre une prise de parole un peu mise en scène, etc. Mais toujours pour enchaîner des phrases creuses, quoi. Alors, c'était souvent un ronron social. Toujours un ronron de gauche, quoi. C'était toujours un ronron de gauche qui s'explique. La fracture sociale, ouais. Ouais, ouais, il a toujours fait ça. Mais pareil, les mecs de gauche n'étaient pas contents parce que. Il parlait comme un type de gauche, mais il donnait pas tout ce que les mecs de gauche voulaient. Les mecs de droite étaient pas contents parce que justement, ils faisaient pas une politique de droite, donc il y avait jamais de choix très clair. Et tu regardes la courbe de l'endettement, bah, sous Chirac, ça explose. Ça a continué ensuite, mais ça explose. La courbe de l'immigration, ça explose. La courbe de la diffusion de la CAM en France, ça explose. L'effondrement du niveau culturel, je veux dire, le triomphe du rap, c'est sous Chirac. Alors, bien sûr. Pour avoir ça, il faut les deux septennats de Mitterrand, il faut le Jack Lang à la culture, il faut toutes ces conneries. Mais ceci étant dit, c'est sous lui que ça s'envole, etc. Il n'y a pas de réaction, il n'y a pas d'impulsion, il n'y a rien. Donc en fait, c'est quelqu'un dont les gens retiennent ça. Les gens disent, ouais, il était sympa. C'est-à-dire que oui, en fait, il était là, et quand on le voyait, il n'était pas agressif, et il ne nous emmerdait pas trop. Et globalement, objectivement, la situation en France en 2000 ou en 2004... Je vais pas parler de 2005 avec les émeutes des banlieues, parce que là, on a commencé à voir la casserole débordée. Mais disons, en 2000, ouais, c'était mieux. Bah ouais. Ouais, il y avait pas de commandos djihadistes dans les rues. Il y avait pas des quartiers intégralement salafisés. T'avais pas une précarité. Maintenant, il y a des gens, je crois qu'on est pratiquement à 9 millions de gens qui sont considérés comme pauvres par des critères très objectifs, etc. La précarisation massive de la jeunesse. Je crois qu'il y a plus de 30% de la jeunesse qui est aujourd'hui dans l'intérim, etc. Enfin, c'est quand même hallucinant ce qu'on voit. C'est hallucinant. Alors, c'est pas la grande famine, mais il y a un malaise ambiant, il y a un truc qui s'est installé progressivement. Et donc, les gens, ils regardent en aise. Ah ouais, ah quand même, ouais, du temps de Chirac, ouais, c'est vrai que c'était mieux. Tout le mec était sympa, ouais, il était sympa, il serrait les poings. Ouais, il était sympa. Ah ben, il pouvait être sympa avec tout le pognon qu'il a pris. Il pouvait être sympa, il manquerait plus qu'il soit mal poli en plus. Ah non, voilà. Et je pense que c'est cette réaction psychologique à laquelle on assiste. Et qui est stupéfiante en fait, hein, parce que quand le type a quitté au plus bas en 2006, hein, la dernière année de son septennat 2007, le mec est à 16 points dans l'opinion, comme Hollande quand il a quitté l'Élysée, quoi. Il est voilà. Moi j'ai regardé récemment la cote de popularité de Sarkozy. Sarkozy, il fait pareil, 80%. 80% des gens ont une bonne opinion de Nicolas Sarkozy, une merde intégrale, c'est-à-dire qui a été foutre en l'air la Libye. Plus la Syrie, vers les deux États qui ont ensuite été les brèches par lesquelles toute cette invasion migratoire leur est tombée sur la gueule. Non, 80% des gens, ils aiment cet escroc fini. D'accord ? C'est le même délire pour François Hollande en plus. Hein. François Hollande, où tout le monde disait ouais, on n'en peut plus, etc. Ouais, bah, non, mais on a la mémoire courte en France, hein, malheureusement. Ouais, il est gros, il est marrant, il va sur son scooter, il va baiser des gonzesses. Les gens, ils se. Bon. Il mange la tête de veau. C'est quelqu'un de très raffiné, si tu veux. Bah, en fait, c'était même pas vrai, cette histoire de tête de veau, etc. Mais rassurez-vous, il se vengeait sur le reste. Bon, voilà, alors donc, du coup, c'est simplement sur l'abcès psychologique. Du coup, je redonne la parole à Tizi, j'ai été long. Mais je voulais juste dire ça, quoi, sur pourquoi les gens sont comme ça. Bah, en fait, je pense qu'en fait, ils s'en foutent un peu de Chirac. C'est simplement qu'ils voient que le niveau s'effondre, c'est tout. Et voilà, donc, du coup, ils disent, ah ouais, merde. Et en plus, il y a un truc qui est très vrai. Quand vous regardez Chirac s'exprimer encore en 2000, il parle encore un français châtié. Les gens sont sensibles à ça. Vous voyez ? Je balancerai tous les cadavres faisandés qu'il faut dans le jardin de Chirac Mais je vais pas non plus lui en jeter des imaginaires. Donc, c'est quelqu'un qui sait être chaleureux, c'est quelqu'un qui sait s'exprimer. De toute façon, avec Chirac, c'est simple, hein. Je veux dire, tu lui poses une question, quand il a fini de répondre, tu sais plus la question que t'as posée. Voilà, c'est... Voilà, bon. Bon, Titus, prends la parole, je t'en prie. Oui, je voulais parler un peu de la même chose, l'aspect psychologique. Oui, c'est ça, c'est que Chirac, malgré tout son bilan, il incarnait un peu la France qu'il a participé à détruire, avec son côté chaleureux, ouais. Son côté gaulois qui mange de la tête de veau, le français châtié. Et puis, honnêtement, enfin, Chirac était grand physiquement, ce qui est souvent associé aux gens de pouvoir, et il avait un charisme et une élégance réelle. Enfin, d'ailleurs, ce que certains à droite adorent reposter sur Facebook, des photos de Chirac sautant le tourniquet, ou Chirac dormant dans l'avion avec son masque pour dormir, ouais. Et puis avec les jambes. Ses longues jambes étalées vers l'avant, enfin, c'est purement de l'image. Mais Chirac, au moins, il avait ça. Et du coup, il incarnait un peu la France que par ailleurs, il a complètement participé à bousiller. Mais il l'incarnait. Alors que ensuite, c'est aussi une question d'âge. Mais moi, j'étais encore enfant au début du mandat de Chirac. Et honnêtement, c'est le meilleur président que j'ai connu. Meilleur, le moins pire. Mais c'est dire quand même le peu de bien qu'on a connu. Parce que Mitterrand, j'en ai très peu de souvenirs. Vu que j'étais trop petit pour bien m'en souvenir. Et Chirac, je me souviens que c'était une époque où les choses semblaient encore aller à peu près bien. Enfin, semblaient, mais voilà, les hommes étaient encore des hommes. Les femmes étaient encore des femmes. Il y avait encore des familles. La France semblait aller bien, quoi. Il y avait ouais. pas de noirs et d'arabes partout dans la rue. Et puis après, bon, bah, Sarkozy, un nain juif. Hollande, Flamby, Macron, enfin, je veux dire, les trois successeurs de Chirac font moins bonne figure que lui, et les gens se rappellent de la figure, de ce que Chirac semblait incarner, malgré tout ce qu'il a fait derrière cette façade, donc les gens sont nostalgiques, mais oui, pour ceux qui étaient enfants, je comprends même là ce que disait Damien Rieux, même si je pense qu'il aurait pu être un peu plus objectif. Mais je comprends un peu ce qu'il dit quand il dit Chirac, c'est le président de mon enfance. C'est ça, c'est qu'on peut être nostalgique de Chirac, comme on peut être nostalgique de notre enfance, de quand les choses allaient encore bien à l'école primaire, des dessins animés, avant de découvrir la pourriture du monde plus tard. C'est ça, en fait. C'est juste parce que Chirac était là en même temps qu'une période qui était encore à peu près heureuse et à peu près bonne dans nos vies. C'est purement ça, en fait. Oui, malheureusement, c'est de la sensiblerie. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, les masses sont comme ça, elles sont gouvernées par leurs émotions, les masses sont féminines. Donc, elles sont pas rationnelles, hein. Et les médias en jouent, les politiciens en jouent, en surjouent. Comment dire, il faut, l'analyse froide, rationnelle du bilan politique de Chirac, je vais simplement peut-être vous le rappeler, brièvement. Bon, ça commence, il est premier ministre de Giscard. Ça commence avec la loi Veil sur l'avortement, donc qui est vraiment par cette juive. Donc déjà, ça c'est important. C'est déjà la connexion qu'il a avec les juifs et la mainmise juive sur la France, qui aboutit à la mort de millions de jeunes Français, des Français de souche qu'on n'a pas eu à cause de Chirac premier ministre, de Giscard président et de cette vieille traînée de juives de Veil. Bon, ça c'est un crime impardonnable. Avec un pouvoir de droite, hein, faut quand même le rappeler, du oui, coup, avec, hein, donc, voilà. Faut le rappeler quand même. Voilà, la droite, hein, attention. Oui, c'est voilà. Ça. Chirac Premier ministre, hein. Voilà. Premier ministre. C'est pour ça que quand vous voyez des conventions qui émettent en avant le mot droite, bon, méfiez-vous, surtout quand il y a des rabbins sur la tribune. Donc, ça commence comme ça. Ensuite, regroupement familial. Chirac, c'est l'homme du regroupement familial. Les gens l'oublient, ça. Je veux dire, je pense qu'ils l'oublient un peu moins parce que. Ils ont tendance à avoir pas mal de gens regroupés familialement dans les rues maintenant. Mais bon, voilà. Alors maintenant, le regroupement familial, excusez-moi, ça s'applique à des Afghans. Faut voir la dynamique du processus maintenant. Vous avez le dernier Afghan qui est régularisé en France. C'est bon, à terme, c'est bon, il fait venir la fratrie. C'est garanti. C'est garanti par les droits, par les juges marxistes, etc. Bon, Chirac est à l'origine de ça. Je dis pas qu'il est le seul, attention. C'est une collégialité. Hein. C'est une présidence Giscard. Mais c'est un Premier ministre. Il y a des gens qui disent « Oui, mais c'était Giscard. Bah, » Attendez, c'est comme si vous me disiez maintenant « Mais Édouard Philippe n'a rien à voir avec les décisions de Macron. » C'est complètement con. Bon. Donc, c'est vrai que cette sensiblerie-là qui s'empare... Mais moi, j'ai vu des gens... franchement, j'ai vu des gens d'extrême droite verser dans la sensiblerie sur le cas Chirac, etc. J'ai dit mais mon Dieu, est-ce possible d'être aussi stupide? Est-ce possible d'être aussi stupide? D'être aussi niais et naïf? Parce que là, ça frôle le crime, quoi. Je veux dire, par complicité, rétrospectivement. Donc, le regroupement familial. Bien. L'appel de Cochin. Faut quand même en parler aussi de ça. Alors, moi, je suis pas sur le registre europhobe, obsessionnel, etc. Mais bon, puisque c'est quand même un des chevaux de bataille de la droite nationaliste en France, il devrait lui tenir grief férocement de son ralliement là-dessus, à Cochin, il dénonce pour enfoncer, parce qu'il va trahir. Il va établir la trahison comme système de gouvernement, Chirac. Ça, c'est une grande nouveauté. Pas la trahison en politique, mais je veux dire, dans l'appareil politique moderne français, c'est lui qui va établir la trahison de tout, l'absence totale de scrupules, le machiavélisme absolu au détriment de je ne vais même pas parler des idées parce qu'on sait qu'il n'en avait pas, mais même de son propre camp politique et des gens qui peuvent croire dans ce camp politique pour faire avancer, si ce n'est des idées, au moins leurs intérêts propres. Non, c'est quelqu'un qui est prêt à faire perdre son parti pour en prendre la tête derrière, à la faveur de la défaite, ce qui, humainement parlant, est quand même terrible, je veux dire. Et il avait même poussé le vice jusqu'à, pour la campagne de Giscard, quand on appelait la campagne le siège du RPR à l'époque, qui était géré par Chirac, les gens disaient non, il faut absolument voter contre Chirac, contre Giscard, il faut voter pour Mitterrand, tu vois, c'était piloté par Chirac. Ah bah voilà, c'est allé jusque-là. Ouais, c'est allé jusque-là. Bon, donc l'appel de Cochin où ils se lancent dans la rhétorique anti-Europe, etc. Bon, ça aboutira au ralliement à Maastricht, ce que les gens ont oublié, c'est-à-dire que Chirac aurait pu tuer Maastricht. Il avait qu'à dire je ne soutiens pas ce vote. Il l'a soutenu. Ok, voilà. Je me prononce pas sur la construction européenne ou voilà, les gens ont leur opinion, mais je veux dire par là que c'est quelqu'un qui s'est engagé à lutter contre et qui a été décisif pour sceller le sort à la fois de la création de Maastricht et de l'euro. C'est sans Chirac, c'était pas possible. Bon, il fait bat Giscard en 81, donc il trahit son propre camp. Survient la progression fulgurante du Front National de Jean-Marie Le Pen. Au milieu des années 80, la victoire de droite, vous connaissez tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que fait Chirac? Il crée ce truc qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Le Front Républicain. C'est-à-dire le ralliement systématique à la gauche de la droite, contre la droite nationaliste. Pourquoi? Pour maintenir à toute force ce pilier de la politique juive en France, qui est le remplacement des Blancs par les Métèques. C'est Chirac! C'est Chirac qui l'a fait, ça. C'est lui qui a dit non. Pas d'alliance avec le Front National, quitte à perdre. Alors qu'à ce moment-là, donc la fin des années 80, donc avant les élections présidentielles de 88, donc il y a un groupe FN à l'Assemblée, il y a 35 parlementaires, Jean-Marie Le Pen est parlementaire, bon, plus qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, elle a 5 ou 6 députés, là. Il y a 35 parlementaires, et une partie de la droite, dont Pasqua, sont partisans d'une alliance avec le FN. Donc on aurait pu créer ce que Salvini a réussi très temporairement à faire en France en 1987-88. D'accord? Et on aurait pu voir des vraies réformes fondamentales sur la nationalité, etc. Ça aurait pu aussi se faire pour les municipales de 2001 aussi. Hein. Ouais, à plusieurs occasions. Il a toujours... Les régionales avec Charles Millon, qui avait tenté la chose aussi. Hein. Ouais, bah ils l'ont détruit. Bien sûr. Il a été assassiné, il a été traîné dans la boue, traité de nazi, je me rappelle très bien. Une victime du judaïsme. Ah, lui, totalement. Bon, après, il a été maté, mais c'est quelqu'un dont le nom a été traîné dans la boue. Pendant très longtemps, parce qu'il s'était rallié au Front National, traité de fasciste, etc. La violence était inouïe, beaucoup plus que maintenant, parce qu'il y a eu une forme de banalisation du Front National pour une raison simple, ils ont dilué leurs idées, mais à l'époque, la violence de la presse et la violence des juifs était totale contre le Front National et Jean-Marie Le Pen. Alors, je sais, bon, pas moi de rappeler que cette violence-là avait lieu en France, et a toujours lieu d'ailleurs, parce que M. Chirac avait passé un pacte avec le B'nai B'rith. Oui, la franc-maçonnerie juive, la franc-maçonnerie juive qui interdit l'appartenance aux non-juifs. Voilà, c'est-à-dire que c'est une franc-maçonnerie où les membres du B'nai B'rith peuvent aller dans les maçonneries des Goy, voilà. Goy, hein, voilà, mais où l'inverse n'est pas possible. C'est particulier. C'est l'antiracisme juif. Voilà. Et donc, Chirac avait fait allégeance au B'nai B'rith en établissant le cordon sanitaire entre la droite pute et la droite de Jean-Marie Le Pen de l'époque, qui était un peu moins pute quand même, il faut le rappeler. Oh, ben, c'était pas mais du tout, mais ouais. Il y avait eu un épisode là-dessus qui avait fait beaucoup de bruit. C'était pendant l'entre-deux-tours des élections présidentielles de 88. Donc, on va dire le duel Chirac-Mitterrand qui avait été reporté par Mitterrand. C'était Chirac qui avait rencontré Jean-Marie Le Pen, justement, discrètement, pour essayer justement de négocier un accord. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement, parce que bon, les deux ont polémiqué là-dessus et ils ont des avis divergents. Mais en tout cas, l'accord s'est pas fait et Chirac a osé quand même dire que finalement, il voulait rencontrer Jean-Marie Le Pen parce qu'il avait fait un bon score au premier tour, simplement pour lui dire tout le mal qu'il pensait du Front National. Donc, un mensonge absolument énorme, quoi. Voilà. C'est pour vous dire un peu Alors pour je voulais simplement pédigré, quoi. je voulais rappeler cette affaire aussi, c'est pour parvenir à la tête du RPR, qu'essayer de lui bloquer donc Giscard d'Estaing, il a quand même fait assassiner Robert Boulin. Les gens autour de Chirac ont fait assassiner Robert Boulin, qui était candidat finalement au rôle de Premier ministre. Voilà, on l'a liquidé pour verrouiller totalement la prise du pouvoir par le RPR. Meurtre politique téléguidé par la clique Chirac, toujours couvert aujourd'hui par la justice. Toujours aujourd'hui couvert par la justice. Et ça n'a jamais été. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Il n'y a pas un juge qui voit ce qui s'est passé. C'est formidable, ça, quand même. Donc, voilà. Tout est bon avec Chirac. Alors, je vais continuer à passer un peu en revue à ce qu'il a fait. Alors, oui, bon, on l'a bien esquissé. Bon. La fameuse reconnaissance de la culpabilité de l'État français dans la déportation des Juifs, etc. Ce qui, ça, alors là, ça intéresse plutôt les gaullistes, puisque De Gaulle alors, avait menti, mais il avait menti pour des raisons politiques. Et en ça, Mitterrand était resté sur cette ligne-là. D'abord parce qu'il avait connu l'époque, Mitterrand, puisqu'il avait été décoré de la franciste par le maréchal Pétain. Donc c'était difficile, en étant un ancien maréchaliste, de faire des excès dans le résistancialisme, c'est sûr. Mais comment dire, en reconnaissant la culpabilité non pas de certains Français, mais en disant la France, l'État français est coupable de coopération dans la déportation des Juifs, donc dans le supposé génocide des Juifs. Rappelez-vous que par ailleurs la loi Guesso date de 5 ans, donc ça chauffe. En faisant ça, qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que De Gaulle avait toujours dit non. La France a toujours combattu l'occupation, elle a toujours été résistante, bon, on sait que c'est pas vrai, mais bon, il l'avait dit. C'était la condition sine qua non en fait, du maintien de l'unité française, en quelque sorte, pour pas qu'elle s'enfonce dans la guerre civile perpétuelle entre ces lignes de fracture, entre ces deux camps. Et donc, on avait dit, oui, bon, effectivement, il y a eu des brebis galeuses, il y a eu des opportunistes, des traîtres, etc. Bon, mais ils ont été châtiés lors d'épuration. Et 95, si ce n'est 97% des Français sont des gens excellents qui ont toujours voulu, ils ont toujours été des patriotes et ils ont toujours voulu chasser les Allemands. Voilà. Bon. Donc on raconte ça et on dit ça très bien, formidable. Donc la France réelle était à Londres avec De Gaulle. C'est ce qu'il disait tout le temps. Quand Chirac dit non, la France, l'État français a coopéré, ça veut dire que les résistants ne sont que sont des marginaux là-dedans. Ça implique la totalité de la nation française. Et pour toujours, c'est perpétuel. Donc, il trahit la résistance de la plus belle façon. Et je crois, parce que j'ai vu quand même une intervention du fils de Gaulle, chez Ardisson, vous pouvez la voir, hein, elle est disponible sur YouTube, où il est interrogé par Ardisson, il s'exprime. Et ce n'est pas exprimé par le fils de Gaulle, il ne le dit pas. Mais quand la question juive est plus ou moins abordée à un moment, indirectement, disons, et on voit que le fils de Gaulle est exaspéré par le fait que, là on est aux alentours des années 2000, hein, par le fait que les Juifs ont totalement récupéré la narration de la Deuxième Guerre mondiale, que c'est Chirac en fait qui l'a permis, et que la France n'est plus une nation victorieuse mais une nation vaincue et coupable. Criminels, hein, et que finalement tous ces résistants-là, bon, ils sont passés par pertes et profits en quelque sorte, dont le gaullisme qui est fondé là-dessus. Ouais, Et non, oui. on voit le, mais le, on voit le fils qui franchement, hein, en privé, ces gens-là doivent dire pique-pendre des Juifs. Pique-pendre. Pique-pendre. Parce que les Juifs sont devenus les rois de la France. Et De Gaulle est devenu, si vous voulez, un alibi des Juifs. Voilà. Donc ça, c'est Parce que Chirac aussi, ça. De Gaulle et Chirac, pour le coup, parce que bon, hein, notre maison brûle et nous regardons ailleurs, hein, nous regardons ailleurs d'ailleurs, hein, c'est Chirac. Bon, c'est lui, quoi. C'est chez les nègres, d'ailleurs, à Johannesburg. C'était Afrique du Sud, bien sûr, une évidemment, Afrique du Sud. libéré de la tyrannie raciste, effectivement. Donc, il est allé faire son cirque pour dire que le monde entier consommait trop de CO2. Donc, c'est-à-dire que Chirac a établi les bases de l'arnaque au Oui, carbone. du coup, il y a participé. Mais ce que je veux dire sur Oui, la mais question, oui, il a participé, bien ce sûr. que je veux dire sur la question du Veldiv, en fait, et de la mise en accusation, non pas de certains Français ou même d'un gouvernement, mais bien de la De nation l'État française, français, de de la l'État France. français et de la nation française, c'est bien la mise en accusation et la culpabilité définitive, celle sur laquelle ensuite la tyrannie juive a été bâtie, sans laquelle il n'y a pas d'invasion complète et Oui. d'accusation. Et aujourd'hui, regardez, aujourd'hui, Enfin, regardez, regardez, attends simplement, simplement, vas-y. aujourd'hui, tous les présidents de la République reprennent ça à leur compte et mettent en accusation en permanence la population française, le peuple français dans sa continuité historique, si vous voulez, si bien que la fonction même d'un président de la République, son autorité, sa légitimité est fondée sur la haine du peuple qu'il gouverne. C'est complètement fou. C'est ce qu'avait dit Mitterrand. Il a dit, mais si, parce qu'il y a El Kabbach, là, ce sale juif, là. Il est encore vivant d'ailleurs, cette espèce de vieil hébreu là. Oui, Il lui dit, malheureusement. mais alors, il avait dit, c'est la haine. Il voulait dire la haine juive, hein. C'est la haine qui va gouverner la France. On voit bien que d'ici au mois de juillet, on va encore vous redemander que la France présente des excuses pour ce qui s'est passé à Vichy. Votre position est toujours la même. Ils attendront longtemps, ils n'en auront pas. La France n'a pas d'excuses à donner, ni la République. À aucun moment je ne l'accepterai. Je considère que c'est une demande excessive de gens qui ne sentent pas profondément ce que c'est que d'être français, l'honneur d'être français et l'honneur de l'histoire de France. Et vous recommanderiez à vos successeurs, s'ils sont de droite, d'adopter la même attitude? Ils feront ce qu'ils veulent, mais bien Je n'ai sûr. pas de recommandation à Non, faire. mais vous, parce que la pression va se faire également sur eux. Dans 100 ans, peut-être aussi encore. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'entretien de la haine. Et ce n'est pas la haine qui doit gouverner la France. Si je fais ça, si je fais ce que vous me dites, si vous me dites de reconnaître la culpabilité de la France en tant que telle, c'est la haine qui va gouverner la France. Parce qu'il n'y aura pas de fin à ce petit jeu-là. Et elle ne peut pas être gouvernée ainsi. Et aucun État, d'ailleurs, ne peut être gouverné comme ça. Et ça, c'est fondamental. Je pense que c'est c'est de toutes les. Enfin, vous allez me dire, l'avortement, c'est quand même carabiné, le regroupement familial aussi, ça contribue. Mais au plan psychologique des masses, au plan moral, c'est la plus grosse saloperie qu'un chef de l'État aurait pu faire. Et c'est un Oui, gaulliste qui l'a fait. Enfin, un gaulliste, on s'entend, quoi. oui, c'est-à-dire que la plus grosse saloperie, c'est-à-dire que quand des gens ont élu un type de droite, ils se sont dit, bon, ben voilà, on va avoir quelqu'un de droite. Alors qu'en fait, non, vous avez un type qui a ouvert les frontières à l'Afrique. C'est-à-dire que il y a eu sous De Gaulle, bon, on en a parlé tout à l'heure chez Gandalf avant l'émission, mais les flux migratoires n'ont jamais été aussi importants que. Une Oui. part sous De Gaulle qui l'avait dénoncé sans que ses ministres ne l'écoutent. Et donc d'autre part ont été encore aussi importants sous Chirac, donc dès son arrivée au pouvoir en 1995. C'est bien le cas. C'est Michel Tribal l'explique. La vanne de l'immigration. Il y a eu deux grandes vagues. La première, c'est fin des années soix... enfin, milieu des années 60. Qui se termine à peu près sous Giscard en 74-75, quelque chose comme ça. Elle se Choc termine. pétrolier, choc Voilà, pétrolier. c'est ça. Bon, voilà, mais on en a quand même pris 3 millions en très peu de temps. En 95, Chirac arrive au pouvoir. Il ouvre les vannes. Il ouvre les vannes. Alors, un autre point qu'il faut quand même rappeler. Bon, évidemment, la Coupe du Monde de football, mais plus que la Coupe du Monde de football, c'est pas le fait qu'il ait gagné, c'est pas sa problème, c'est pas lui qui l'a gagné. Mais c'est surtout la communication autour. On lui doit quand même. Donc, la France black blanc beurre. Qui est devenue la France black, black, black de Finkielkraut, pour une fois qu'il était bien inspiré, c'est Chirac, c'est la France de Chirac. La France de Chirac, et si vous posez la question, c'est quoi la France de Chirac? 1998, la France black blanc beurre. Voilà. Et il y a une interview, hein. Pose la question, alors, ces joueurs qui viennent d'un peu partout, etc., et il dit, voilà, et oui, la France, c'est un pays qui s'honore d'être un pays d'immigration, d'origine diverse, etc. Voilà, et il dit, c'est ce qui fait la grandeur de la France. Donc, le fait de se tiers-mondiser racialement, c'est ce qui fait la grandeur de la France. 8 juillet 2004, discours pour le refus du racisme et de la discrimination. De cette France fraternelle, Nous devons être fiers. Nous devons la faire vivre et la défendre. Elle doit être pour nous tous un choix de chaque jour. Ce choix, celui de vivre ensemble dans le respect de chaque différence, ce choix n'est jamais définitivement acquis. Le combat pour la tolérance et pour l'honneur est une conquête fragile et toujours recommencée. Aujourd'hui encore, des actes de haine, odieux et méprisables salissent notre pays. Les discriminations, l'antisémitisme, les racismes, tous les racismes, se déploient de nouveau insidieusement. Ils frappent nos compatriotes juifs présents dans notre pays depuis des temps immémoriaux. Ils frappent nos compatriotes de culture musulmane qui ont fait le choix de travailler et de vivre dans notre pays. Ils frappent en réalité tous nos compatriotes. Ils atteignent nos écoles. Ils menacent nos enfants. Ils profanent nos lieux de culte, nos sépultures, nos symboles les plus forts. Tous ces actes qui blessent les corps et choquent les âmes disent l'obscurantisme, l'ignorance, la bêtise. Ils expriment le fanatisme, la volonté d'humilier, d'abaisser. Ils traduisent le refus de la différence et le rejet de l'autre. Tous ces actes reflètent la part la plus sombre de l'âme humaine. Ils sont indignes de la France et naturellement je ferai tout pour que cela cesse. Les auteurs de ces forfaits, de ces agressions, de ces gestes de haine qui se sont hélas multipliés au cours des années récentes et de ces derniers mois seront poursuivis sans répit et sans relâche. Ils seront jugés. Ils subiront toute la rigueur de nos lois. Que les victimes de ces actes sachent bien que la nation tout entière est à leur côté. C'est ce qu'il explique, hein. Donc, c'est très conscient chez lui. Et ça va être, je crois, formidablement résumé par ce truc qui est, vous savez, le référendum sur la Constitution européenne. Donc, il fait campagne. Je sais pas vraiment s'il fait pour ou contre, on sait pas trop, parce qu'il était... C'est toujours quelqu'un de très fluctuant, Chirac, jamais d'avis tranché. Enfin bon, t'es quand même, statutairement parlant, en tant que chef de l'État, bien obligé de s'impliquer à minima... pour cette histoire de constitution européenne. Alors comme c'était Giscard qui portait le projet de constitution, je suis pas certain qu'il était très emballé de faire ce cadeau historique à Giscard, je suis même certain du contraire, mais bon. Et il la vend quand même. Et vous savez, à ce moment-là, il y a une réflexion, finalement, avec cette constitution, c'est finalement, c'est quoi l'Europe ? Qu'est-ce que l'Europe ? Alors, on sait tous à quoi... nous, on a tous notre opinion. Mais bon... À ce moment-là, il y a la question, est-ce qu'on va mettre dans la Constitution européenne la mention du christianisme ? Est-ce que l'Europe, dans sa Constitution, je parle de sa Constitution spirituelle, dans sa Constitution identitaire, est-ce que le christianisme est un élément important, oui ou non ? Et le cas échéant, faut-il le mentionner dans cette Constitution ? Voilà. Alors, tous les pays européens étaient d'accord. Tous les pays européens étaient d'accord, il y avait des nations qui étaient très demandeuses, je pense, comme la Pologne, des nations probablement plus indifférentes, mais il n'y avait pas un barrage absolu. L'État qui a fait le barrage le plus absolu, c'est la République des Loges, c'est la République du Veldiv, c'est la République de Chirac. Chirac a fait un barrage total sur la question. Alors, De Villiers va citer, parce que De Villiers, je crois, c'est lui, en tout cas, qui l'a rapporté, et de toute façon, en fait, il y a une... Chirac est interpellé sur cette question à l'Élysée en 2003. On pose la question, on lui dit « Mais alors, les racines chrétiennes de l'Europe, etc. pourquoi ne pas la mentionner? Bon, évidemment, Chirac n'a pas dit parce que le Grand Orient me casse les couilles pour ça, parce que moi-même, intellectuellement, j'y suis opposé, ou parce que les Juifs sont en train de criser, non, non. Il a dit, mais vous savez, les racines de l'Europe sont autant chrétiennes que musulmanes. Voilà, tu sais, comme il faisait ce con-là. Et donc, grâce à Chirac, on a découvert que dans la mentalité du chef de l'État français, les racines de l'Europe, donc de la Suède, de la Finlande, était autant musulmane que chrétienne. Vous avez, là, on est en 2003, j'ai même pas été tout au bout de son pédigré, tu vois. Alors après, je pourrais citer le Quai Branly, etc. Donc le type a désigné, tiens, vous savez, tous les présidents, ils aiment bien construire un truc, etc. Mitterrand, c'est la bibliothèque. Bon, lui, il s'est dit, enfin, il a fait d'autres trucs aussi, mais... ah, je vais faire un musée. Le Quai Branlix. Voilà. Branlix. Donc des statues de nègres. Astérix, statues de nègres, Astérix, voilà. Le plus bel oxymore de Chirac, hein. L'art africain, c'est un truc, c'est un concept. Quoi, en soi, c'est un concept. L'art nègre. D'ailleurs, sais-tu, cher Gandalf, que les nègres veulent récupérer leur merde? Qu'on leur donne, hein. C'est une option que je défends. Je suis, pour le coup, le premier supporter des gouvernements nègres pour qu'ils récupèrent leur merde. Alors, brièvement, quand même, parce que c'est, je pense, bon, là, vous en étiez en 2003, l'année précédente, donc il se fait réélire, comment? Contre Jean-Marie Le Pen. Le fameux deuxième tour de 2002. Le type qui refuse donc de s'adresser à Jean-Marie lors du deuxième tour, et, parce qu'il avait peur, il avait la trouille. Démocrate. Ouais, bah ouais, la République, hein, voilà, pas de concession avec l'extrême droite. Le type nous fait un baratin au deuxième tour, la lutte contre les idées de haine, etc. Enfin. L'antiracisme, l'antifascisme militant, couplé à l'immigration de masse, le Front républicain, puis vous rappelez-vous 2002 quand même, les gosses, enfin les écoliers foutus dehors avec leurs profs communistes, etc., pour dénoncer la menace du fascisme, etc. Tous ces mecs-là allant voter en rang pour Chirac, même la pince sur le nez, comme avaient dit certains d'entre eux, à l'exception d'Arlette Laguiller, qui avait quand même fait honneur au camp de la révolution communiste en disant « hors de question que je vote pour cet escroc ». Bon, Arlette Laguiller est peut-être une bolchevique à la solde des juifs, mais au moins a-t-elle eu cette décence morale de ne pas voter pour Chirac. Et bon, bah, c'est, on lui doit aussi ça. Le deuxième tour. Et Marine Le Pen va aller devant son cercueil. Ah, bon, je pense pour faire les photos. Elle va être contente. Elle va peut-être voir Poutine. Peut-être voir des premiers ministres. Elle a l'impression d'en être. Vous voyez, donc elle va être là, au pied du cercueil, là, machin. Avec cette ordure intégrale qui a rameuté tous les marxistes, etc. pour que la politique d'immigration continue en 2002. Je veux dire, bon, l'idée, c'était joué d'avance, mais je veux dire, c'est hallucinant. Voilà. Bon, voilà. Qu'est-ce que je pourrais citer encore? Alors là, les mesurettes. La taxe sur les billets d'avion, la fameuse taxe Tobin, je crois que c'était Tobin, ils appelaient ça, en tout cas la taxe sur les billets d'avion pour financer le tiers-monde, une idée qui venait d'attaque, comme une autre idée qui venait d'attaque, la loi Dalo. La loi Dalo, si vous ne connaissez pas, c'est simple, c'est tout n'importe quel migrant qui arrive en France, qui est vaguement régularisé, est prioritaire pour le logement social. Donc quand vous faites une demande de logement social et qu'il y a 15 familles de Maliens devant vous, merci Chirac. C'est lui qui l'a poussé. Hein. C'est lui, il a dit, il faut cette loi. Voilà. On pourrait continuer comme ça longtemps, hein, mais voilà. Donc, si quelqu'un veut... On peut faire un tour de table sur ce type-là, et sa présidence, oui. Voilà. Oui, non, moi je veux bien, si tu veux, parce que bon, c'est vrai que ce type a été président de la République tout le temps où j'étais jeune... écolier jusqu'à lycéen, même plus, hein, je crois qu'il était, il était président jusqu'à ce que je sois en prépa d'ailleurs, hein. Donc oui, jusque là, donc j'ai mangé du Chirac assez longtemps, donc ce type-là nous a tout fait bouffer, c'est-à-dire que Ziadebouna, les émeutes de 2005, je ne les ai pas mentionnées, oui, les émeutes raciales de 2005, oui. Qui sont maintenant devenues tellement habituelles, on ne les remarque plus. Mais... Oui, c'est-à-dire que c'est lui qui a instauré le fait que ce genre d'événement, ce genre de chimpanzerie extériorisée soit... quelque chose de commun en France, hein, voilà. Donc ça, bon, je ne suis pas fumeur, mais pas pour un sou, pour le coup, mais ça a été le type qui, enfin, tous ces gouvernements ont fait augmenter les prix du tabac. Bon, je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal, mais c'est vrai que ça peut quand même avoir son effet, comment dire, par rapport aux gens, enfin, en tout cas aux classes populaires. Bon, moi ça ne me gêne pas, si tu veux, je suis pour ma part pour une interdiction du tabac, donc ça ne sera pas quelque chose que je mettrai à son défaut, mais des gens peuvent le faire. Jacques Chirac a aussi été un des partisans du relativisme civilisationnel. Totalement. C'est-à-dire que, hein, donc avec la vente de son harnais, voilà, Non mais il l'a dit, non, il l'a dit, lui il a carrément oui, formulé, dans un discours, il a dit. il a dit, voilà, non, essayer d'établir une hiérarchie entre les civilisations et les cultures, Oui, non, etc. Ça, c'est très mauvais. donc, ouais, voilà, donc, oui, bon, pourquoi, Oui, oui, c'est-à-dire que bon. non, mais Chirac était un réel amateur des gribouillages de nègres. Ouais. Voilà. Bon, Alors, c'était je le précise pour ceux qui ne le savent un pas, type mais. de très mauvais goût, très mauvais goût. Alors, je le précise Très pour ceux mauvais qui ne le savent pas, c'est que c'est quelqu'un qui a transité par le Parti communiste. C'est quelqu'un qui a vendu Oui. l'Humanité, le journal communiste l'Humanité, dans les années Tout à fait. 50. Donc, dans la période la plus stalinienne, ouais, du Parti communiste. Hein, donc, il est passé par là. Alors, il s'en est écarté. Mais je veux dire que ses sympathies de jeunesse n'ont jamais varié. C'est quelqu'un qui est profondément de gauche. Ça ne veut pas dire que c'est un stalinien, mais ça veut dire que dans ses convictions, dans son ressenti, c'est quelqu'un qui est un sans-frontiériste, c'est quelqu'un qui est un tiers-mondiste. Hein, d'ailleurs, c'est ce que il le dira d'ailleurs. Ce n'est pas étonnant qu'il ait été très proche de Hollande, hein, sur l'affaire. Hein. Rappelle-toi que Hollande l'avait mené à je sais pas, une cérémonie, une réunion quelconque pour, je sais pas si c'était pour l'art nègre ou autre. Il avait tenu la main, hein, pour le faire marcher. Bon, Chirac, qu'on en termine, parce que c'est fini en fait, Chirac. Premier président de la Ve République condamné pour corruption. 2 ans de prison avec sursis en 2011, toujours avec sursis, mais quand même, c'est bon, on n'a jamais entendu parler de ça. Je veux dire, voilà, un président condamné, Chirac, l'affaire de la mairie de Paris, le truandage total des marchés, etc. Il n'aura même pas le courage. N'aura même pas le courage d'assumer le forfait. Il fera payer à Juppé. Il fera payer à Juppé. Juppé, cette espèce de serpillière qu'on a vu pleurer sur les plateaux de télévision pour dire tout le bien qu'il pensait, comment dirais-je, de son mentor. C'est quand même dingue, quoi, de voir ces gens, quoi. Debré, hein, Le petit-fils de Rabin. le descendant de Rabin, de Gaulle. Hein, de De Gaulle, ah oui, De Pareil, c'est Gaulle, pareil. voilà, c'est les Pareil. mêmes, c'est les pâles copies. Donc, bon, comment dire, qu'est-ce qu'on a encore? On a parlé de... Voilà. Alors, comment dirais-je? J'ai appris, avec Pierrot, que la convention de la droite, avec Marlène Machin, a chanté la Marseillaise en l'honneur de Jacques Chirac, dont nous venons de vous dresser brièvement le bilan. C'est vous C'est dire, cocu jusqu'au bout, quoi. la lucidité, si vous voulez, ouais, c'est des gens qui vont sauver la France. Bon, voilà. Le chiracisme. La convention de la droite de Marion Maréchal s'est terminée sur une ode au Oui. chiracisme. Oui, non, mais attends, quand même, Gandalf. Jacques Chirac savait manger et boire, et il aimait les nègres, quand même. Bon, c'était un vrai Français. Oui, donc en gros, le bilan de Chirac, c'est il a beaucoup mangé, il a probablement beaucoup séduit, Beaucoup bu. il a beaucoup bu, il a fait beaucoup de voyages, surtout en Cafri, et voilà. Ah, si, aux frais des contribuables. Mais apparemment, les contribuables concernés sont 80% à estimer en avoir eu pour leur argent. Oui, c'est ce qui me fait Oui, douter de la souhaiter, c'est ce démocratie, qui. oui, effectivement, oui, on est tous là, hein. Oui, enfin, doter, enfin, oui, je pense. Oui, non, mais on est pour la renverser, je sais. Un petit peu au-delà de ça. Oui. Moi, je suis pour renverser la démocratie et éventuellement redonner du travail à la SNCF, effectivement. Moi, je suis pour que tous les maghrébins de France, les nègres, appellent à décapiter, à tuer des blancs, à les dépecer, en faire de la tripa et de l'andouillette. Ah non, bah non, c'est... L'andouillette, c'est... L'andouillette pour les chiens. Pour les chiens, pour les chiens. Oui. Alors, non, qui veut... Oui. Titus, Fulbert, qui c'est qui veut m'en dire un petit peu et on se sépare là-dessus. Oui, je trouve que Chirac aura réussi un combo assez remarquable, parce qu'au niveau putajuif, il sera allé quand même plus loin que Mitterrand. Du coup, je me dis, ceux qui sont un peu plus vieux que la génération des jeunes trentenaires actuels pourront se dire « Ah non, le meilleur président qu'on ait eu, c'était Mitterrand, parce que ceux d'après, c'était encore pire. C'est, on se raccroche un peu à ce qu'on peut. » Mais ça, donc oui, là, avec le lever le div, avec tout ce... Ah oui, Chirac qui allait retrouver le rabbin Haïm Korsia le samedi après-midi, qui s'échappait aller philosopher cher rabbin. Alors, permettez-moi de lire ça quand même. C'est un extrait d'un livre. Oui, tu as raison de le mentionner. Hein. Alors, le livre, hein. La vie d'après, signé par le journaliste Bruno Dive. Alors, accrochez-vous. Hein. Dans son dernier livre, Chirac, la vie d'après, le journaliste Bruno Dive détaille les rapports entre celui qui fut président de la République de 1995 à 2007 et l'actuel grand rabbin de France, Haïm Korsia. Avec le rabbin Haïm Korsia, il a de longues discussions philosophiques. Jacques Chirac n'ose plus appeler « Rabinou » celui qu'il connaît depuis la fin des années 70, mais qui est devenu en 2013 le nouveau grand rabbin de France. L'ancien président a toujours eu le respect des grades et des hiérarchies. Il a une bonne connaissance du judaïsme, assure Haïm Korsia. Les cultures qui transmettent le passionnent. Chirac aime à dire « Quand les juifs arrivent quelque part, ils construisent une école. » Bon, c'est une yeshiva, hein, mais bon. « Quand les catholiques s'installent quelque part, ils construisent une église. Je préfère les premiers. Bah, » Messieurs, le représentant de la droite catholique gaulliste qui s'exprime. Il préfère les juifs aux catholiques. Encore un beau sujet de discussion et de conflit avec son épouse. Alors, accrochez-vous là, ça vaut son pesant de cacahuètes. Parce que sa femme, Bernadette Chirac, est une catholique pratiquante, très croyante. Bon, l'ancienne, hein, c'est une vieille aristo. Hein. « Vous n'allez pas vous convertir au judaïsme, au moins ?» lui lance un jour Bernadette Chirac, laquelle s'est efforcée d'éloigner le rabbin de son grand homme. Alors c'est chez lui, chez Haïm Korsia, que Jacques Chirac se rend parfois en secret le samedi après-midi, pour le Shabbat. Bon, saviez-vous, messieurs, c'est Jean-Marie Le Pen qui en a fait souvent état, que Chirac ne serait pas en fait le fils de sa mère officielle, qui était stérile. Il serait le fils d'une autre femme. Et beaucoup de spéculations tournent au sujet de l'identité de cette femme. Et elle aurait des origines cachées. De là à judaïser en secret avec le rabbin le jour du Shabbat, loin des yeux de sa catholique de femme. Écoutez, il y a un fil conducteur. Alors du coup, pour le coup, bon, il n'aime pas les catholiques. Hein. Du coup, finalement, la conversion de la droite est accompli, j'ai envie de dire, et je me félicite que Marion Maréchal Le Pen ait fait chanter la Marseillaise pour cet ami du grand rabbin. Voilà, quelqu'un veut-il rajouter quelque chose ? Oui, je voulais juste continuer. Bah, déjà, Chirac, il a réussi un véritable grand chelem de la mettre écrit, parce que déjà, son tropisme et ses origines mystérieuses, mais malgré ses relations avec le Sanhédrin, il aimait réellement et les nègres et les arabes. Pas juste l'un ou l'autre, c'est qu'il était attiré et par le désert et par la savane, ce qui fait quand même beaucoup. Il avait été applaudi dans les rues de Jérusalem, dans la partie Palestine, ouais, pour avoir asticoté un petit peu des soldats des forces de sécurité israéliennes. Et refuser la guerre en Irak, par amour quand même pour ces bons Irakiens. Du coup, Chirac sera quand même allé très très loin dans la métécrie, quoi. Juif, noir, arabe, un tropisme vers tout ça à la fois. C'est quand même spectaculaire. Mais oui, je voulais juste finir sur une chose, c'est que le Quai Branly, le fameux Quai Branly qui a un véritable testament de l'amour chiracien pour les nègres, bah, franchement, moi je pense là-dessus que oui, la France a pillé l'Afrique. On a volé à l'Afrique leur sculpture en bouse de vache. Ouais. Je pense que la France devrait rendre ses sculptures aux nègres, hein. Rendons aux nègres ce qui est aux nègres, quand même. Ah. Et qu'à la place de ces sculptures, puisqu'on est nostalgique de Chirac pour le fait qu'il incarnait une France qu'elle a encore à peu près bien, à la place du musée nègre, puisque la construction est toujours là, je pense qu'on devrait mettre un musée années 80, années 90, on alignerait des figurines de Saint Seiya, de tous les dessins animés des années 80, du Club Dorothée, et puis même les Jojos, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était une espèce de petits osselets en plastique coloré, moi j'y ai joué brièvement étant petit, j'aimais bien ça, et je trouve que ce serait plus intéressant que les sculptures d'art nègre, ça constituerait un progrès. Attends, Titus, je m'excuse, mais là je viens de chier un truc et je crois que c'est de l'art africain. Alors oui, moi je propose en expiation des crimes de la colonisation, clé en main, déménagement total du Quai Branly, le bâtiment, tout le truc, etc. Et on replante ça à Cotonou ou à Abidjan, vous voulez, peu importe. Même en Afrique du Sud, c'est encore plus loin. Voilà, et cadeau. Et pour une fois, ça sera de l'argent des contrats français bien utilisé. Voilà, moi je vous propose ça. C'est une obligation morale. On peut pas quand même laisser ce legs de la barbarie coloniale siéger en plein milieu de Paris. Voilà, donc démantelons ce mur. De barbarie et renvoyons-le d'où il vient, voilà. Et d'ailleurs, et ceux qui les ont fait aussi, ce sera pas plus mal. Eux aussi, on peut les donner à l'Afrique. Oui, moi je suis, si tu veux, pour que nous invitions les nègres à reprendre leur merde. Oui, c'est ça. Voilà, oui, c'est bien, oui. Chers amis, chers amis en humanité. Oula. Hein, reprenez vos merdes. Reprenez vos merdes. Qui d'autre avant qu'on se sépare sur Chirac ou le truc, enfin rien de spécial, pas particulièrement. Bon, d'accord. À la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.